بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله la louange est à Allah qui nous permet de poursuivre inshallah l'explication du texte الأصول الثلاثة les trois fondements de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh. Nous avions donc au cours du la dernière séance, entamer l'explication du premier fondement, donc introduit par le shir, « إِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةَ » Et si on te demande quels sont les trois fondements, « فَقُولْ » dit « مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ » la connaissance par le serviteur de son Seigneur, « وَدِينَهُ » et de sa religion, « وَنَبِيَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » et de son prophète Mohammed صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Nous avions donc expliqué les termes du shirk et ce qu'il visait donc à travers ce premier paragraphe, et notamment la notion la plus importante à retenir, c'est que Ar-Rabb, le Seigneur, donc visé par ce chapitre-là, c'est Al-Ma'boud, l'adoré. Et non pas seulement le sens linguistique renvoyant au protecteur, au créateur, au possesseur, au gérant, etc. et d'autres sens en lien avec le mot Rab dans la langue arabe, mais plutôt le sens législatif qui est donc Al-Ma'boud, l'adoré. Et nous avions donc expliqué ce chapitre-là, nous nous étions arrêtés à la fin, nous avions oublié l'expression d'Ibn Kathir rahmatullah alayh, Al-Mufassir, Al-Ma'ruf, Al-Ma'loum, l'exégète connu, l'exégète connu, élève de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Al-Dimashqi, habitant de Damas, auteur du fameux tafsir, tafsir al-Qur'an al-Azim, tafsir du Qur'an, qui est connu, qui est un résumé du tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullah alayh, et qui est un tafsir sur la tariqa, selon la voie du Ma'thur. Donc il explique les versets par les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que par les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam, ensuite par les paroles des sahaba radiyallahu anhum, ainsi que les paroles des tabi'in, connus et reconnus comme étant des imams dans le tafsir. C'est un des plus grands tafsirs et des meilleurs tafsirs qui a été écrit par les savants de cette communauté. Et c'était un donc des élèves de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Qu'a dit Ibn Kathir rahmahullah? Donc cette parole-là est apportée par Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab pour appuyer donc l'idée qu'il a soutenue selon laquelle Al-Rabb c'est Al-Ma'boud. Ibn Kathir dit Al-Khaliq li hadhihi al-ashiya, le créateur de ces choses-là, donc des cieux, la terre et autres, huwa al-mustahiq lil-ibada, c'est le méritant de l'adoration. Ce qui prouve bien donc l'implication que nous avons citée, selon laquelle le tawhid de la seigneurie implique le tawhid de la divinité et de l'adoration. S'il y a tawhid de la seigneurie complet, il y a obligatoirement naissance de l'adoration seulement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a absence du tawhid de la divinité, il y a donc absence de la complétude, non pas des bases, de la complétude du tawhid de la seigneurie. Car effectivement, Quraysh répondait donc à certaines questions en lien avec le tawhid de la seigneurie par na'am, par oui. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te répondent c'est Allah. Mais leur tawhid de la seigneurie n'était pas complet, et s'il l'avait été, il aurait donné naissance au tawhid de la ibada, de l'adoration. Donc Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh, donc dans ce chapitre-là, nous montre que, en tant que premier fondement, le serviteur doit connaître son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Seigneur-là, donc, est l'adoré. Et l'adoré de ce serviteur. Donc, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir obligatoirement deux choses, comme nous l'avons cité précédemment. La première chose, c'est la science, al-ilm. Al-ilm bil-ibada. Savoir. Qu'est-ce qu'une adoration? Est-ce que l'acte que je vais pratiquer maintenant est une adoration ou pas? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, savoir comment est-ce qu'il se pratique. Ça, c'est un autre point qui se voit dans le fiqh. Mais dans l'aqidah aussi, par rapport aux actes intérieurs en lien avec le cœur. Et nous allons voir ceci, nous allons le détailler. Donc la première chose, c'est la science. Connaître cet acte-là. Et quand je dis acte, je renvoie aux trois composantes de la foi. Acte du cœur, et parole de la langue, et acte du corps. Car l'ibadah, l'adoration, tourne autour donc, de ces trois composantes. Comme la foi se compose d'intérieur et d'extérieur, l'intérieur en lien avec le cœur, l'extérieur en lien avec la langue et le corps, lorsque nous disons ibadah, nous ne renvoyons pas simplement à l'extérieur. Les gens, lorsqu'on leur dit ibadah, ils pensent tout de suite au jeûne, à la prière et autres. Ils oublient que al-khawf, la peur, est une ibadah. Al-khashya, la crainte, est une ibadah. Al-tawakkul, s'en remettre à Allah, est une ibadah. Comme va le citer le cheikh rahimahullah. Donc, l'ibadah, elle doit répondre obligatoirement à deux critères. Le premier, la science. Le second, l'ikhlas, la sincérité. Il faut obligatoirement que cette adoration-là soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en lien avec ces deux fondements-là, le shir, pour parachever donc ce chapitre-là et qu'il soit complet, il va donc nous aider à comprendre comment est-ce qu'on conclut qu'un acte intérieur ou extérieur est une ibadah, est une adoration. Il va donc nous citer 15 unités de l'adoration. Des adorations en lien avec le cœur, des adorations en lien avec la langue, et des adorations en lien avec le corps. Et il va nous montrer, nous prouver, donc d'abord que l'adoration doit être uniquement et seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, il va nous montrer comment est-ce que chaque unité d'adoration, qu'elle soit en lien avec la langue, le corps ou bien le cœur, comment est-ce qu'on en arrive à conclure que c'est une adoration. C'est pour cela que le cheikh dit « Wa anwa'u l'ibadati allati amara Allahu biha » et les types d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc ici le cheikh pénètre dans cette seconde partie donc du premier fondement qui est la connaissance par le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pénètre donc dans des unités composantes de la ibad en disant et les types d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Mithlu l'islami wal imani wal ihsani ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ديدو. Et les types d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adoré, comme l'islam et l'iman et l'ihsan. Nous avons déjà vu dans de nombreux cours, dans de nombreuses assises, que notre religion tourne autour de ces trois degrés. L'islam, l'iman et l'ihsan. Ici, le shir dit, et les types d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, mithlu comme l'islam, l'iman, l'ihsan. Ici, le shir cite ces trois degrés-là comme étant donc les trois catégories mères d'adoration. Comme étant les trois catégories mères d'adoration desquelles vont découler toutes les unités ensuite existantes dans notre religion. Toutes les unités d'adoration à ahad ou l'ibadat, ce qu'on appelle ahad ou l'ibadat, les unités composantes de l'adoration qui sont la prière, le jeûne, la peur, la crainte, le dhikr, lier les liens de la parenté, ce qui est donc tout ce qui est recommandé et tout ce qui est obligatoire car l'adoration est soit recommandée, soit obligatoire, toutes ces unités composantes, elles entrent soit dans l'islam, soit dans l'iman, soit dans l'ihsan. C'est pour ça que le cheikh ici dit, comme l'islam et l'iman et l'ihsan. Après avoir cité ces trois catégories, il a dit « wa minhu ». Donc, et parmi celles-ci, et parmi donc, ces adorations-là, ad-du'a, c'est ici qu'il commence à citer les unités composantes de l'adoration. Auparavant, lorsqu'il a cité l'islam, l'iman et l'ihsan, c'est les trois catégories mères desquelles découlent toutes les autres unités. Certains explicateurs ont dit qu'ici, il y a un problème. Lorsque le cheikh a dit l'islam, l'iman et l'ihsan, que ça n'apparaît pas comme étant cohérent. Car ce ne sont pas des unités composantes de l'adoration. Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. En réalité, ce sont des grandes catégories, les trois catégories mères, desquelles vont découler les trois autres unités. Donc, Inch'Allah, il y a cohérence dans les paroles du Cheikh, Rahimahullah. Et Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan, le Cheikh va leur consacrer un chapitre. Il va consacrer un chapitre où nous expliquerons Al-Islam. Vous avez déjà quelques notions, nous l'avons vu dans le passé. Il expliquera aussi Al-Iman de manière détaillée et Al-Ihsan aussi de manière détaillée. Le Cheikh dit ensuite wa minhu ad-du'a. Donc, et parmi ces adorations-là, ad-du'a, donc l'invocation, wal-khawf, qu'on traduit nous par la peur, wal-raja, l'espérance, wal-tawakkul, traduire par s'en remettre à Allah n'est pas suffisant en réalité. Donc, nous, on gardera le mot tawakkul, puis on donnera les piliers du tawakkul. Warraghba, donc qui est un amour extrême. Warraghba, qui est une crainte extrême. Walkhushu', on traduira tous ces termes. Walkhashya, la crainte, mélangée à la science, comme nous le verrons. Walinaba, le retour. Walisti'ana, le demande d'aide. Walisti'adha, demande de protection. Walistiratha, que nous traduirons aussi. Waldabhu, l'égorgement dans le sens adoratoire, wa nadhru, que nous traduirons, wa ghayru dhalika min anwa' al-ibadati allati amara Allah biha kulluha lillah. Et d'autres types d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, kulluha lillah, toutes doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces 15 unités qui sont 15 adorations. De même, le Cheikh ici ne vise pas l'exhaustivité. Simplement, il veut exercer à comprendre comment est-ce que tu peux conclure qu'un acte intérieur ou extérieur fait partie de l'adoration. Donc, tous ces actes-là doivent être seulement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est donc l'implication de la ilaha illallah. La ilaha. La définition de ilah, nous l'avons dit et répété, al-ma'boud, l'adorer. Pas d'adorer en dehors d'Allah signifie que ton adoration doit être seulement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci aussi doit être soumis à un dalil. Quel est ce dalil? Le Cheikh a apporté le dalil, la preuve, en disant wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, sourate al-jin, verset 18. Nous avons déjà vu ce verset là. Et al-masajid lillah, les masajid, il y a deux explications de ce terme là. Al-masajid, c'est le pluriel de masjid. Soit est visé par cette expression là les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées, et donc est visé par là donc ce qui est contenu par ces maisons là ce qui est donc les adorations, les actes voués à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien al-masajid, toujours pluriel de masjid, qui renvoie soit à la prosternation, soit aux membres de la prosternation. Dans les deux cas, ce verset là indique que al-masajid, le pluriel de masjid, doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillah, al-masajid, les maisons d'Allah, et donc les actes qu'ils contiennent, ou bien les membres de la prosternation, ou bien les prosternations, sont seulement pour Allah. Ensuite, après cette confirmation, cette affirmation, Allah dit, interdit en disant, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc quiconque, n'invoquez donc personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la première partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que l'adoration doit être seulement pour lui. Et dans la seconde partie, il interdit que soit voué à quiconque, quoi que ce soit, qui est considéré comme de l'adoration. Donc ce verset-là, que nous avions vu déjà dans des cours auparavant, prouve, établit le fait que l'adoration doit être attribuée, vouée, seulement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, dans le sens général, فَلَا تَدْعُوا, on avait dit qu'il y avait deux sens. الدُعَاء est divisé en deux catégories. دُعَاءُ الْمَسْأَلَى, la demande, qui est la demande introduite par la locution يَا, oh, accent circonflexe, oh Allah, ô Seigneur, ô Créateur des cieux et de la terre, donne-moi un enfant, fais-moi pénétrer dans le paradis. Ça, c'est du'a'u al-mas'ala. Et il y a du'a'u al-ibada, qui est toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, qui est un sens donc plus général que du'a al-mas'ala. Dans ce sens plus général, la prière est une dua, le jeûne est une dua, lier les liens de la parenté est une dua, etc. Quel est le sens de dua visé par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là? Fala tad'u, n'adorez personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien n'invoquer personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les deux cas, le verset indique que l'adoration doit être exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. De ce verset-là, observez bien à quelle expression va aboutir le shaykh rahimahullah. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Celui donc qui vous Celui qui vous a autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shay'an, quoi que ce soit, comme adoration, observez bien la conclusion du shaykh, fahuwa mushrikun kafir, c'est un associateur mécréant. Donc l'adoration, lorsqu'il a été établi que c'est une adoration, le fait de vouer ne serait-ce qu'une partie infime de cette adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fait pénétrer la personne dans le statut de mushrik, d'associateur. Donc il n'y a pas de détails comme l'ont fait certains explicateurs de ce texte-là, lorsqu'ils expliquent les unités composantes de l'adoration comme la peur, en disant que dans la peur vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, soit elle est du grand shirk, soit elle est une désobéissance ou un grand péché. La crainte vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, soit elle est du grand shirk, soit elle n'est pas du grand shirk. Non, ça c'est faux. C'est comme dire la prière pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la prosternation pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, soit elle est du grand shirk, soit elle n'est pas du grand shirk. Non. Si l'acte, il est établi comme étant une adoration, cet acte-là peut être parfois une adoration et parfois il a un sens où il n'est pas adoration. Et dans le sens où il n'est pas une adoration, il n'entre pas, il n'est pas en lien avec le shirk. Comme nous allons le voir dans la peur, par exemple, la peur du lion, la peur du chien. Ce n'est pas une peur de ibad, mais une fois que la peur est établie comme étant ibad, qu'elle répond aux critères de la ibad, il n'y a pas de détail possible par rapport au fait de vouer cette adoration à autre qu'Allah. Vouer 0,1% ou 100% de cette adoration à autre qu'Allah fait disparaître le tawhid et fait apparaître à sa place le shirk. Donc ce verset est important. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez أَحَدًا, personne avec Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّهِي. C'est donc un indéfini dans le contexte de l'interdiction. تُفِيدُ الْعُمُومِ, et qui implique donc la généralité. N'invoquez quiconque, il faut traduire en français. N'invoquez personne de manière absolue, que ne ce soit pas un djinn, ni un humain, ni un savant, ni un ange, ni un prophète, ni un riche, ni un pauvre, ni un gouverneur, ni un gouverné, ni un mâle, une femelle, un homme, une femme, quel que soit, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'invoquez pas, ne l'adorez pas. Donc celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que de manière infime, minime, qu'est-ce que dit le shir? فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا. Celui qui vous, donc quoi que ce soit de l'adoration que nous allons voir là, quoi que ce soit de dua, quoi que ce soit de khawf, quoi que ce soit de raja, quoi que ce soit de tawakkul, à autre qu'Allah, quel est son statut? فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِر. فَمَنْ quiconque, qu'il soit savant, qu'il soit ignorant, qu'il soit homme, qu'il soit femme, quelle que soit sa position. Et ensuite, on va sortir donc de cette généralité, quiconque, on va sortir l'enfant. Par le hadith de Ali de Aïcha radiyallahu anha, dans Sunan, Rufi al-Qalam an thalatha, la plume ne fonctionne pas par rapport à trois catégories de personnes. Al-Majnoun, hatta yufiq, le fou, jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Donc le fou, s'il fait du shirk, est-ce que c'est un mushrik kafir? Il est fou, il n'est pas mukallaf. As-sabi hatta yahtalim, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc l'enfant n'est pas encore mukallaf, même s'il fait une forme de shirk, il n'y a pas d'apostasie pour l'enfant. Et de même le prophète alayhi salatu wasalam dit an-na'im hatta yastayqid, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui dans son sommeil dit donc une phrase de shirk mathalan, et vous une adoration, comme l'isti'ada par exemple. Oh djinn, protégez-moi. Oh Abd al-Qadir Jilani, protège-moi, donne-moi le bonheur. Il dit ça dans le sommeil. Est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non. Donc en dehors de ces catégories-là qui sont donc une exception confirmée par le texte, donc le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, en dehors de ces exceptions-là, toute personne, donc vouant ne serait-ce qu'une partie infime d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel en est son statut? فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Et ça, il ne le dit pas de sa tête, le shir. Il le dit en s'appuyant sur le verset de Surat al-Jin. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. Est-ce qu'il a dit malakan, Allah un ange? Est-ce qu'il a dit nabiyan, un prophète? Abaka, ton père, Ummaka, ta mère, il a dit Ahadan, quiconque. Donc, si jamais il y a donc adoration de quiconque et avec quoi que ce soit, du moment que cette unité qui a été attribuée, donc, vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est catégorisée comme étant une adoration en elle-même, il y a donc apparition du shirk, akbar, du grand shirk. Et le shirk, dans son sens législatif, sa base, c'est le grand shirk. C'est pas le petit shirk. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'ils utilisent le mot shirk, à la base, al-haqiqatu shar'iyya, la réalité législative, le sens législatif de ce terme-là, dans le Qur'an et la Sunnah, à la base, c'est le grand shirk, al-mukhrij min al-millah, qui donc fait sortir la personne de la religion musulmane. C'est pour cela que le petit shirk est venu spécifier dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Ici il a spécifié: ce dont j'ai le plus peur pour vous est le petit shirk. Et lorsqu'il a dit ala adullukum ou ala ukhbirukum bi akbar al-kaba'ir, ne voulez-vous pas que je vous informe sur les plus grands péchés? Le premier cité, il a dit al-ishraku billah. Certaines personnes veulent faire pénétrer donc dans nos fondements, veulent faire dévier certaines haqa'iq shar'iyya. Et ça, subhanallah, c'est la voie des gens ayant une déviance dans leur cœur. Lorsqu'ils ne trouvent plus de preuves, donc pour pouvoir établir les idées qu'ils veulent, qu'ils ont en tête, alors ils passent à une autre étape qui est faire dévier les réalités législatives. Faire dévier, donc, les termes de leur définition. Et disent donc que le shirk, dans le Coran et la Sunna, la base c'est le petit shirk. Et il faut donc une preuve pour pouvoir amener ce terme-là au shirk akbar. Ça c'est une faute grave, une incompréhension grave du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa salam dit, ne voulez-vous pas que je vous informe au sujet des plus grands péchés? Le premier, al-ishraku billah, l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute qu'il visait bien sûr le grand associationnisme. Donc cette règle établie par le shirk, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْءٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Celui qui voue, quoi que ce soit comme adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est un associateur mécréant. C'est tiré du verset وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا. N'adorez pas de manière absolue. Ça n'a pas été spécifié par un type d'adoration. Et on avait dit que le plus authentique ici, c'est du'a al-ibada, et non pas du'a al-mas'ala. Même si les deux paroles sont rapportées par les exégètes, mais ce qui paraît le plus authentique, c'est que le du'a visé ici est du'a al-ibada, donc toutes les adorations, toutes les unités composantes de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit, est donc un mushrik kafir. Le shaykh dit ici, mushrikun kafir. Certains savants séparent le mot shirk de kufr, le mot mushrik du mot kafir dans leur sens législatif. Et d'autres disent qu'ils sont synonymes. Et c'est ce qui est, Wallahu a'lam, le plus authentique. C'est que le mushrik est kafir, et le kafir est mushrik. D'autres disent que le mushrik est kafir, mais pas le contraire. Le kafir n'est pas obligatoirement mushrik. Ça veut pas dire, on ne dit pas que le kafir n'est pas du tout mushrik, mais le kafir n'est pas obligatoirement mushrik. Et en réalité, wal-ilmu indallah al-mushrik. Donc l'associateur est mécréant, et le mécréant est associateur aussi. En termes de statut, il y a consensus que les deux catégories ne sont pas musulmanes. Ne sont pas musulmanes. Mais les savants, donc disant que le mushrik, donc est un mécréant, mais que le mécréant n'est pas obligatoirement mushrik, s'appuient sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot mushrik de manière générale dans le Coran pour sarfu l'ibadati li ghayrillah. Pour celui qui vous attribue une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, dans le Coran et la Sunna, de manière générale, le mot mushrik est utilisé pour cette catégorie de personnes. Alors que le kafir, de manière générale, est utilisé pour la personne qui rejette le message, ou bien qui se détourne du message, même s'il ne voue pas un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le kufr, comme nous le verrons bi'iznillahi azza wa jal insha'Allah, est de différentes catégories. Il y a le fait de vouer une autre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a aussi le rejet. Le rejet d'une information, par exemple, qui n'est pas permis d'être ignorée. Ou bien, par exemple, rendre licite quelque chose qui n'est pas permis d'être ignoré. Celui qui dit le vin est halal, nous avions parlé de cela, est mécréant, sauf dans deux cas. Celui qui est dans une contrée, n'ayant pas accès à la science, où il n'y a pas de science et ne pouvant pas accéder à la science. Cette personne-là, une fois la preuve établie, s'il rejette encore donc le caractère illicite du vin, il devient mécréant. Mais avant cela, il ne l'est pas. Ou bien celui qui vient récemment d'entrer en islam. De même, il n'est pas mécréant avant l'établissement de la preuve. Quant à celui qui est entouré de savants et ayant accès à la science, et qui dit le vin est halal ou bien l'eau est haram, le pain est haram, celui-là est mécréant tout de suite avant l'établissement de la preuve. Tout de suite il est mécréant. Car il est sûrement menteur dans ce qu'il dit Et même s'il n'est pas menteur, il a un kufr d'une autre catégorie qui est al-i'rad, qui est le kufr du détournement du message. Car cette personne-là n'attribue pas au Coran et à la Sunna la légitimité d'être appris, puisqu'il est entouré de gens ayant la science et qu'il a accès à la science et accès à cette information sans laquelle son islam n'est pas authentifié, et pourtant il ne met pas en route son corps pour aller demander cette information-là. Donc cette personne est mécréante, kufrul i'arad, la mécréance du détournement. Est-ce qu'il a voué une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'a pas prié pour autre qu'Allah, il ne s'est pas prosterné pour autre qu'Allah, il n'a pas égorgé pour autre qu'Allah. Donc dans ce sens-là, certains savants disent que l'associateur est mécréant, mais le mécréant n'est pas toujours associateur. Mais le plus authentique, c'est qu'il y a synonymie et que le mushrik est kafir et le kafir est mushrik. Car Allah Azza wa Jal dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Ne vois-tu pas celui qui a pris ses passions comme divinité? Celui qui a pris ses passions comme divinité, comme ilah. Et al-ilah, on avait dit, c'est al-ma'boud, c'est l'adoré. Donc celui qui a pris ses passions comme ilah, il adore ses passions. Et celui qui dit le vin est halal, celui qui dit le vin est halal, et même lorsque la preuve lui est établie et que le verset lui est cité sur lequel il y a consensus, il ne peut y avoir divergence claire comme le soleil, il rejette cette information. Cette personne a pris ses passions comme divinité en réalité. Donc c'est une forme de shirk akbar. Il a pris une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien a associé à Allah subhanahu wa ta'ala ses passions. Donc il est mushrik dans ce sens-là. Donc effectivement, dans le sens de l'utilisation du terme, Allah utilise de manière majoritaire le mot mushrik concernant la personne vouant un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, pour cette raison, a dit ici mushrikun kafir. Mushrikun kafir. Donc pour lui, apparemment, selon les termes qu'il utilise, le mushrik est un kafir et le kafir est un mushrik. Car il a dit, celui qui voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque adoration que ce soit, il n'a pas dit il est mushrik, point. Il a dit il est mushrik, kafir. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et celui donc qui évoque ou bien qui évoque avec Allah une autre divinité, la burhana lahu bihi, il n'aura pas donc d'argument, de preuve par cette divinité là فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Et ses comptes donc sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ, car en effet, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, les mécréants ne réussissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui, وَمَنْ يَدْعُ, الدُّعَى, on a dit qu'il y avait deux sens, mes frères, c'est important ça. الدُّعَى, il y a deux sens. دُعَى, المسألة, de la demande, qui est la demande introduite par la locution ya o, accent circonflexe. Ou bien il y a du'a al-ibada, qui est l'adoration dans le sens général d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yad'u, les deux sens sont acceptables. Et celui qui, donc, invoque dans le sens de du'a, comme il est connu dans le commun des gens, explique le mot du'a par ce sens-là. Donc du'a al-mas'ala, le du'a de la demande. Celui qui fait une demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une demande adoratoire, d'adoration. Car nous verrons, ce n'est pas toute demande, quelle heure est-il qui est une adoration? Quelle heure est-il? Il a fait shirk akbar, il est sorti de l'islam? Non. On verra dans ce sens que la demande dans ce sens-là n'entre pas dans le sens de l'adoration. Donc wa man yad'u, celui qui demande à autre qu'Allah, ou bien celui qui adore autre qu'Allah, les deux sens sont acceptables. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ, donc celui qui demande ou bien invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore avec Allah une autre divinité, ou bien celui qui demande à une autre divinité avec Allah, la burhan alahu, il n'a pas de preuve. Donc par cette divinité-là, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, ses comptes seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ, les mécréants ne réussissent pas. Allah a qualifié celui qui voue un autre, celui qui voue un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un kafir. Comme étant un kafir. Donc il y a une preuve que le mushrik est kafir. Que le mushrik est kafir. Ça, on avait dit qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. Et sur le fait que le kafir est mushrik, c'est le verset que nous avons cité. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ne vois-tu pas celui qui a pris ses passions comme divinité? Car toute personne adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne étant mécréante, en réalité, a pris ses passions comme divinité. Donc la preuve apportée ici par le cheikh est la preuve selon laquelle toute personne adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce que d'une manière infime, aussi minime soit-il, est un mushrik kafir. Car Allah n'a pas ici spécifié la quantité d'adoration attribuée à autre qu'Allah. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا, et celui qui adore avec Allah une autre divinité. Il adore un peu, beaucoup, moyennement, à l'extrême, toutes ces manières-là d'adoration, qu'elles soient minimales ou pas, elles entrent dans le shirk. Et dans le shirk akbar. Et la preuve en est que Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu la yuflihul kafirun. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce paragraphe-là, va utiliser deux fondements qui sont importants. Le premier, c'est l'établissement comme il a été fait, que l'adoration doit être exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute personne vouant ne serait-ce qu'un minimum d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est son statut? C'est un mushrik kafir, c'est un associateur mécréant. Ça, c'est la première règle, on la met dans notre tête. L'adoration doit être seulement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque adoration que ce soit, en quelle quantité que ce soit, si minime soit-elle, il prend le statut de mushrik kafir. Fondement numéro 1. Fondement numéro 2, c'est que une adoration, c'est de l'ordre de l'invisible. Nous avions vu que l'adoration, dans le sens nominal, non pas dans le sens du masdar, non pas dans le sens de faire une activité, un acte pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans ce sens-là, mais dans le sens des unités composantes de l'adoration. Nous avions donné la définition de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, qui est ismun jami'un, c'est un nom rassemblant, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda, c'est un nom rassemblant ce que Allah aime et agrée, min al aqwali, rassemblant les paroles, wal a'mali, et les actes, al zahira, externe, wal batina, interne. Donc c'est un nom rassemblant, l'adoration est un nom rassemblant ce que Allah aime et agrée. Ce que Allah aime et agrée, c'est de l'ordre du visible ou de l'invisible? De l'ordre du visible ou de l'invisible, ce que Allah aime et agrée? C'est de l'ordre de l'invisible. C'est de l'ordre de l'invisible. Ce que Allah agrée. Tu ne le sais pas ça. Avant que le verset ne descende et te dise Allah aime la salat. Allah a ordonné la salat, donc il aime la salat. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le siwak, donc il aime le fait qu'on se passe le siwak. Est-ce que ces choses-là sont de l'invisible ou de l'invisible? Elles sont de l'invisible. L'agrément d'Allah et l'amour d'Allah, ce sont des notions invisibles. Donc ce n'est pas par la raison que l'on va atteindre la légitimité d'un acte intérieur ou extérieur, mais c'est par les textes. Donc le fait que ça, ce soit invisible, le fait que l'adoration soit invisible, il faut donc un délil pour prouver que cet acte du cœur, cette parole de la langue ou cet acte du corps est une adoration. Ce n'est pas par le goût, ce n'est pas par les traditions, mais c'est par le délil du Coran, de la Sunna, du Ijma'. Soit par le Coran, soit par la Sunna, soit par le consensus. Le qiyas n'entre pas dans l'adoration. Nous l'avions vu ça. Le qiyas, le raisonnement analogique de manière générale, à la base, il n'entre pas donc dans l'adoration. Et notamment dans les fondements de l'adoration. Pour dire qu'une adoration est légiférée, on ne s'appuie pas sur le qiyas. Donc ça, c'est le deuxième fondement. Le premier, l'adoration doit être vouée exclusivement à Allah. Celui qui voue quelque adoration que ce soit, en quelle quantité que ce soit, à autre qu'Allah, est un mushrik kafir. Fondement numéro 1. Fondement numéro 2, l'adoration étant relevant de l'invisible, puisqu'elle est en lien avec ce que Allah aime et agrée, il faut obligatoirement une preuve pour rétablir son caractère légiféré. Donc le shir, ici, sa tariqa est importante. Sa pédagogie, l'a utilisée, est importante dans ce paragraphe. Pour chaque adoration, il va apporter une preuve prouvant que cet acte-là, spécifique, qu'il relève soit du cœur ou bien de la langue ou bien du corps, est une adoration en apportant une preuve spécifique à cet acte-là. Mais concernant le fait que vouer cet acte-là à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et du shirk akbar, il n'est pas obligé d'apporter un dalil, une preuve. Et même Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam n'ont pas apporté des preuves établies pour chaque unité que cette unité-là, si jamais elle est vouée à autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Le verset cité de « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » est suffisant. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre ici l'interdiction de vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala quelque adoration que ce soit. Donc, il n'est pas demandé d'apporter une preuve montrant, j'espère qu'il n'y a pas confusion dans ce que je dis, une preuve pour chaque acte. Une preuve spécifique à chaque acte. C'est que l'apport d'une preuve spécifique à chacun de ces actes n'est pas obligatoire. Car la charia est venue avec des règles générales. La règle générale, quelque adoration que ce soit vouée à autre qu'Allah, induit le statut de mushrik. Maintenant, ce qu'il faut prouver, c'est que cette unité entre dans cette grande famille qui est la famille de l'adoration, des actes adoratoires. Que cette unité-là entre dans l'expression citée par Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est un nom rassemblant ce que Allah aime et agrée en termes d'actes et de paroles intérieures et extérieures. Donc le shirk va prouver par un délil spécifique que cet acte-là ou bien cette parole entre dans l'adoration. Ensuite, si quelqu'un voue ça à autre qu'Allah, comme les soufis, مثلاً, quand il est debout devant son shirk, son pouls augmente et il se met à transpirer et il tremble. Le shirk lui dit « prosterne-toi », il se prosterne. Bon, sans parler de la prosternation, parce que la prosternation, c'est autre chose. Mais la peur, il dit « moi je me rapproche d'Allah par la peur de mon shirk et sa crainte. Je le crains car c'est quelqu'un de pieux. Et craindre cette personne-là, c'est une bonne action, Allah aime ça. » On va dire « non, la crainte, la peur, c'est une adoration, elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. » Il va dire, eh ben, apporte un délil que vouer la peur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du shirk akbar. Donc là, il ne faut pas aller chercher obligatoirement. Il ne faut pas aller chercher obligatoirement, je dis bien. La preuve ici pour la peur existe. L'interdiction d'avoir peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe dans le Coran. Mais elle n'aurait pu ne pas être. Il faut simplement prouver que la peur est une adoration et par l'interdiction générale d'attribuer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est suffisant pour statuer que le fait de vouer la peur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est du shirk akbar. Donc le shirk ici va prendre soin pour chaque acte parole qu'il va citer d'apporter un dalil prouvant que c'est une adoration. Donc après avoir cité le verset « وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ » et celui qui adore avec Allah « إِلَهًا آخَرْ » un autre Dieu ou bien celui qui invoque avec Allah une autre divinité « لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ » il n'a pas de preuve par celui-là « فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ » et ses comptes seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront auprès de son Seigneur « إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ » car en effet les mécréants ne réussissent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté la réussite ici concernant celui qui adore ou bien invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et le rejet de la réussite ne se fait que pour les mécréants. La réussite dans ce bas monde et dans l'autre. Le rejet de la réussite ne se fait que pour les mécréants. D'où Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti dans Adwa Al-Bayyan a pris comme preuve que un sahir est un mécréant, le sorcier est un mécréant selon la vie le plus authentique, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yuflihu as-sahiru haythu ata, le sorcier ne réussit pas où qu'il soit. Et le rejet de la réussite concernant une personne indique son statut de mécréant. Wa fil hadith, et dans le hadith, ad-du'a'u Mukhul ibada, ad-du'a est le cerveau, le cœur de al-ibada, l'adoration. Ce hadith-là est un hadith faible. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, Ahmed, rahimahumullah. Mais c'est un hadith qui est faible, mais au sens authentique. Et il est rapporté dans un autre hadith, ad-du'a'u huwa al-ibada. Il est authentique, rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ahmed et d'autres. Ad-du'a, donc l'invocation, et al-ibada et est l'adoration. والدليل قوله تعالى. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Et votre Seigneur a dit ادعوني, invoquez-moi, استجب لكم, et je vous exaucerai. إن الذين يستكبرون عن عبادتي, ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration, sayadkhuluna jahannam madakhirin, ils rentreront dans la géhenne humiliés, rabaissés. À travers ce hadith là et ce verset là, le cheikh, que veut-il faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce qu'il cite ce verset là? Pourquoi est-ce qu'il va citer à chaque fois des versets ou bien des hadiths concernant tous les actes adoratoires qu'il va citer? Ce que le cheikh il peut dire, ad-du'a c'est une adoration, virgule, la peur est une adoration, et ne pas apporter de preuves. Non. Il veut prouver le caractère adoratoire de ad-du'a. Donc il a dit ad-du'a'u mukhul ibada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Donc là, le texte est extrêmement clair, le hadith est extrêmement clair, prouvant que ad-du'a, donc dans le sens de du'a al-mas'ala, dans le sens de du'a de la demande, et non pas dans le sens de du'a al-ibada. Le cheikh ici est en train de citer des unités composantes de cette grande famille qui est l'adoration, renvoyant à tout ce que Allah a recommandé, rendu obligatoire. Donc, ad-du'a ici, c'est à expliquer comme étant du'a al-mas'ala, et non pas du'a al-ibada, afin que les paroles du cheikh gardent une cohérence. Le cheikh ici vise du'a al-mas'ala, le du'a de la demande. Du'a de la demande. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a c'est al-ibada. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset que le shir a lui-même cité ici. Et votre Seigneur a dit ud'uni, invoquez-moi. Donc est-ce que ici, c'est l'invocation dans le sens al-mas'ala ou bien l'adoration? Sans al-mas'ala. Astajib lakum, je vous exaucerai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration. Après avoir cité l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, parle de ceux qui s'enorgueillissent face à son adoration, ce qui est bien une preuve que l'invocation fait partie de l'adoration. Et d'une manière générale, ça, ce sont des règles générales. Puisque l'adoration renvoie à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée comme acte ou parole extérieure et intérieure, certaines règles générales. Tout ce que Allah a ordonné, tout ce que Allah a ordonné est donc une adoration. Ce que Allah aime et agrée, ce que Allah a ordonné, obligatoirement Allah l'aime et l'agrée. Est-ce que Allah ordonne quelque chose qu'il déteste? Est-ce qu'il ordonne un acte qu'il déteste dans le sens législatif? Est-ce qu'il ordonne législativement quelque chose qu'il déteste? Non. Allah aime la prière. Allah aime le jeûne. Allah aime la polygamie. Allah aime le niqab. Allah aime la barbe. Allah aime toutes ces choses-là. Donc ces choses qu'Allah a ordonnées, Allah les aime. Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Donc ce que Allah a ordonné, Allah l'aime. Et donc c'est une adoration. Que ce soit recommandé ou que ce soit obligatoire. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce pourquoi Allah a fait un reproche, ce à qui Allah a fait un reproche par rapport au délaissement d'un acte, intérieur ou extérieur. Si Allah a fait un reproche et qu'il y a pour conséquence le péché, par exemple, ceci veut dire qu'il y a eu délaissement d'une obligation, délaissement de quelque chose qu'Allah aime, qu'Allah a légiféré. Donc aussi le délaissement de cette chose, de cette notion-là, cette notion, pas son délaissement, cette notion qui a été délaissée, cette notion qui a été délaissée est une adoration. Aussi lorsque Allah fait l'éloge d'une catégorie de personnes du fait de leurs actes. Par exemple, as-sabr. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah aime les patients. Donc Allah, il se peut qu'il déteste la patience et qu'il aime les patients. Le fait qu'il ait fait l'éloge de ces gens-là, wa bashiris sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Allah subhanahu wa ta'ala dit annonce la bonne nouvelle à une catégorie de personnes qualifiées de quelque chose qu'Allah n'aime pas. Non. Puisque Allah fait l'éloge des patients et qu'il aime la patience, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont quelques règles générales pour comprendre l'istidlal. Comment est-ce que le shir va tirer des versets le caractère adoratoire de certains actes intérieurs ou extérieurs. Donc Allah dit « وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et Allah a dit « Invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration entreront dans la GN humiliés, rabaissés » Surat Ghafir, verset 60. Donc « Ad-du'a » c'est une adoration qui doit être vouée seulement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est de deux catégories, comme nous l'avons expliqué de nombreuses fois. Dua al-mas'ala et dua al-ibada. Donc dua al-mas'ala, c'est la demande qui est faite à Allah subhanahu wa ta'ala, introduite par la locution ya, ou bien Allahumma. Et dua al-ibada, Cheikh al-Uthaymin dit, wa amma dua al-ibadati, bi an yata'abbada bihi lil-mad'u, talaban li thawabihi, wa khawfun min iqabihi, wa hadha la yassihu li ghayrillah, wa sarfuhu li ghayrillah, shirkun akbar mukharijun anil millati wa alayhi yaqa'u al-wa'id, fi qawlihi ta'ala, inna al-lazina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Donc Cheikh al-Uthaymin dans son charh explique, il dit « Wa'alam anna du'a'a naw'an » Et sache que « ad-du'a » est de deux catégories. « Du'a » al-mas'ala, le du'a de la demande, « wa'ad-du'a » ibadah, « ad-du'a » donc de l'adoration. « Fa'ad-du'a al-mas'alati huwa du'a al-talabi » Du'a de la demande, c'est du'a de la demande. Nous le traduisons comme ça, nous. « Ay, talabu al-hajat » la demande des besoins, que les besoins soient comblés. « Wa huwa ibadah » c'est une adoration. إذا كان من العبد لربه si jamais c'est donc du serviteur, une demande du serviteur à son seigneur, à son adoré. لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه. Car ceci implique le fait de se mettre en position de pauvreté, de dépendance face à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'orienter vers lui subhanahu wa ta'ala. واعتقاد أنه قادر كريم واسع واسع الفضل والرحمة. Et ceci implique aussi la croyance qu'il est capable, qu'il est généreux et qu'il est large, donc dans ses bienfaits et dans sa miséricorde. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول القائل يا فلان أطعمني. Donc le cheikh dit que il est permis, donc الدعاء المسألة doit être, si jamais il comporte donc le caractère d'être, de se sentir pauvre, rabaissé, dépendant de celui à qui on demande, c'est une adoration, et vouer ça à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk akbar. Donc, ad-du'a, dans le sens adoratoire, un peu de demande à autre qu'Allah, ou beaucoup, tout ceci implique le grand shirk. Ensuite, la demande qui n'est pas adoratoire, comme demandez-leur, donne-moi de l'eau, donne-moi un verre d'eau, apporte-moi ceci, ça c'est une demande. Dans la langue arabe, c'est une demande. Mais ça n'entre pas, donc selon le consensus des salafs, dans la définition adoratoire. Donc on ne dit pas la demande, c'est une adoration. Et ensuite, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens adoratoire, parfois c'est du shirk, parfois ce n'est pas du shirk. Non, on n'explique pas dans ce sens-là. La demande, ô toi, donne-moi quelque chose, selon laquelle seul Allah est capable, c'est du shirk akbar de manière totale et absolue. Si jamais on demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la demande n'est pas dans le sens adoratoire, demandez-leur, demandez un verre d'eau ou autre, donc c'est permis. Ad-du'a, donc l'invocation, il y a des tailles. Donc la du'a d'Allah est une adoration. Concernant la demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfois adoration, elle est parfois non-adoration. La demande aux morts de manière totale et absolue est du shirk akbar. Quelle que soit la chose demandée. Demander aux morts quelque chose dont seul Allah est capable est du shirk akbar. Ô tel mort, donne-moi un enfant, c'est du shirk akbar. Ô tel mort, fais-moi entrer au paradis, c'est du shirk akbar. Demander à un mort ce pourquoi il aurait été capable s'il était vivant, c'est aussi du shirk akbar. Ô mort, donne-moi un verre d'eau, c'est du shirk akbar. Ô mort, quelle heure est-il, c'est du shirk akbar. Car il attribue aux morts, donc de la seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé la vie. Son ouïe s'est coupée et ses capacités aussi sont désormais terminées. Donc il attribue aux morts une forme de seigneurie. Wa hada min ash-shirki al-akbar, et ceci fait partie du grand associationnisme. Concernant le vivant, on catégorise. Première catégorie, l'absent, celui qui n'est pas présent devant moi. L'invocation de l'absent est du shirk akbar de manière totale. Qu'il soit capable ou incapable. Et quand on dit absent, beaucoup de chouyours, quand ils écrivaient leur shurouh, il n'y avait pas le Skype, MSN, tout ça. Donc, quelle heure est-il à travers MSN? C'est pas du shirk akbar. Mais s'il n'est pas devant toi et tu ne lui parles pas par téléphone, qu'il n'est pas donc en communication directe avec toi, et tu dis « Oh, un tel, quelle heure est-il ? Oh, un tel, donne-moi un verre d'eau, il n'est pas présent, il est dans un autre pays, min ash-shirk al-akbar. » Ça, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam, car c'est attribué à la créature, donc une qualité qui est divine, qui est « as-sam'u al-mutlaq », qui est l'ouïe total et absolu. Donc il entend tout et qu'il entend à ces distances-là. Donc ça, c'est concernant l'absent. L'invocation de l'absent et du shirk akbar de manière totale et absolue. Concernant le présent, celui qui est en face de moi, lui demander quelque chose dont seul Allah est capable, c'est du shirk akbar. Et lui demander quelque chose dont il est capable, ça n'entre pas dans l'adoration, c'est permis. Oh, un tel, donne-moi un verre d'eau. Oh, un tel, donne-moi tel outil. Oh, un tel, quelle heure est-il? Ça n'entre même pas dans l'adoration à la base. Ça n'entre pas dans l'adoration. Donc ça, c'était concernant Ad-Dua. Donc on établit que Ad-Dua est une adoration, et ensuite vouer quoi que ce soit comme dua à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son sens adoratoire, c'est du shirk akbar selon les dalils généraux qui ont été cités précédemment par le shirk rahimahullah. Le shirk dit ensuite wa dalilul khawfi, est la preuve du khawf, est la preuve de la peur. Donc el khawf, nous allons le traduire par la peur, car il se rapproche d'el khashya que nous traduirons nous par la crainte. Et certains différencient Al-Khawf de la crainte en disant que Al-Khawf, c'est une peur du châtiment de celui dont tu as peur et des conséquences de sa désobéissance. Alors que la crainte, comme nous le verrons, c'est une peur mélangée à la science et c'est une peur de celui dont tu as peur. C'est une crainte de lui-même, alors que la peur, c'est une crainte des conséquences. C'est certaines explications. Mais Allahu a'lam, est-ce que بعد التحقيق vraiment est-ce que tous les savants l'acceptent? Wal ilmu indallah. Fa ala kulli hal al khawf, donc c'est une ibada. Le shir va apporter une preuve pour établir que al khawf, la peur, est une adoration. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum, n'ayez pas peur d'eux. Sourate Ali Imran, Allah parle des awliya, des alliés de shaitan, des alliés des mécréants. Fala takhafuhum, n'ayez pas peur d'eux. Donc ça, c'est l'interdiction d'avoir peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Et ayez peur de moi. Qui, avec cette expression wa khafuni, établit le caractère adoratoire du khawf. Bismillah. Avec wa khafuni, vous m'apportez la preuve que c'est une adoration. Wakhafuni, et ayez peur de moi. C'est un ordre. C'est pas suffisant, c'est un ordre, point, c'est bon. Justement, il a interdit d'avoir peur. Il a interdit d'avoir peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas suffisant pour établir que c'est une adoration. C'est pas le fa qui est. Allah l'a ordonné. Ça, premièrement. Allah n'ordonne que ce qu'il aime. Donc, s'il a ordonné, c'est que c'est une adoration. Wa khafuni. Et ayez peur de moi. Et ça, c'est une condition dans la foi. C'est une condition. Et quand on dit condition dans la foi, c'est-à-dire c'est un pilier. La peur d'Allah est un pilier. Celui qui n'a pas peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un kafir. Celui qui n'a pas peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la peur minimale, le poussant à agir comme nous allons le voir dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, cette personne-là n'est pas musulmane. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Si vous êtes croyant, Allah a conditionné la croyance par la peur. Sous-entendu, si vous n'êtes pas croyant, ayez peur d'autre que moi. Donc la croyance n'est authentifiée, al-iman n'est authentifiée que s'il y a la peur minimale requise pour authentifier cette foi-là. Donc s'il y a absence de peur, il y a absence de iman. Et quelle est la peur donc qui est reconnue comme étant une peur minimale? C'est la peur donnant lieu à l'acte. Nous avons toujours parlé de cette interdépendance. Celui qui dit « j'ai peur d'Allah », il ne fait aucune obligation et ne délaisse aucun interdit dans le sens adoratoire. Ce n'est pas il ne boit pas de vin parce qu'il n'aime pas ou parce que c'est trop cher. Il ne délaisse aucun interdit par adoration. Et il ne fait rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et il dit, moi dans mon intérieur, j'ai peur d'Allah. On lui dit, tu mens. Tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car si réellement tu avais peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci donnerait lieu à l'acte. Cheikh Al-Uthaymin dit, Wal khawfu thalathatu anwa'. Et la peur est de trois types. An-naw'ul awwal, le premier type. Khawfun tabi'i ou khawfun taba'i, la peur naturelle. Ka khawf al-insani min as-sab'i, comme la peur du lion, des fauves. Wan-nar, et du feu. Wal-gharaq, et de la noyade. Wa hadha la yulamu 'alayhi al-'abd. Et ceci, le serviteur, par rapport à ceci, on ne lui fait pas de reproche. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام, Allah a dit au sujet de Moussa عليه الصلاة والسلام, فأصبح في المدينة خائفا يترقب. Donc Moussa, lorsqu'il a entendu que la cour de Pharaon le cherchait pour le tuer, donc il a été en état de peur dans la ville. يترقب, Allah le qualifie comme étant dans un état de peur. Yatarakab, il regardait derrière lui, il avait peur de se faire attraper. Alayhi salatu wa salam, surat al-qasas, surat les récits, verset 18. Lakin idha kana hadha al-khawfu kama dhakara al-shaykh rahimahullah sababan li tarki wajibin aw fi'li muharramin kana haraman. Mais cette peur naturelle-là, elle est permise et le serviteur ne subit pas de reproches et de péchés par rapport à cela tant qu'elle ne donne pas naissance au délaissement d'une obligation ou bien à l'acte interdit. Exemple, quelqu'un donc qui a peur du lion. Nous avons dit que ça, c'est même une peur naturelle. Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette peur dans l'être humain pour pouvoir protéger l'espèce humaine. Si la personne était totalement... n'avait aucune réaction face à la présence du lion ou bien d'un incendie, la protection de l'humanité ne serait pas possible. Les gens se mourraient de manière comme ça, stupide. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette forme de peur naturelle dans le cœur des gens. Mais si cette peur-là, cette peur, donc qui à la base est permise, amène donc au délaissement d'une obligation ou bien à faire un péché, alors là, ça devient une peur qui est haram. Et donc la personne prend des péchés par rapport à cette peur-là, qui est, selon certains savants, donc muharrama, interdite. D'autres disent qu'elle entre dans shirk al-asrar, pas shirk al-akbar, dans le petit shirk. Et le petit shirk, il ne faut pas le prendre à la légère, hein, car il amène la personne avec le temps... Il peut qu'il amène au shirk akbar. Donc quelqu'un qui travaille et il est à table. Des gens de son travail, des mécréants viennent s'asseoir et posent de l'alcool sur la table. Et par peur, timidité, crainte, ne se lève pas de la table. Ici, il est dans le haram et prend le péché. Quelqu'un qui est timide, il a peur des gens, du monde, des foules, hein, de manière naturelle comme ça, il ne lui est pas fait de reproche tant que ceci ne l'amène pas ensuite à faire du haram. Mais s'il se rase la barbe parce qu'il a peur des reproches des gens, parce qu'il a peur de la moquerie des gens, il entre dans le haram et dans le petit shirk selon certains. Pour lui, mettre le pantalon en dessous des chevilles, maintenant il est, cet avis-là est authentifié auprès de lui selon lequel c'est l'avis prédominant. Et il fait cela, mais lorsqu'il est en présence de certaines personnes, d'une catégorie de personnes dont il craint la moquerie ou autre, il lâche son pantalon au-dessous des chevilles, il entre dans le haram et dans le petit shirk, selon certains, et etc. Par exemple, il va délaisser une obligation aussi. Donc là, on a donné des exemples où il fait le haram. Mais dans d'autres exemples, il va délaisser une adoration. Il va délaisser la prière à l'heure. Parce qu'ils vont se moquer de lui. Ou bien il a peur de se faire virer du travail. Ce qui n'est pas une excuse pour sortir la prière de l'heure. Ou autre, tout ceci entre dans le haram au minimum et sont dans le shirk asrar, sont le certain. Donc les exemples sont nombreux à ce niveau-là. Il est important, bihaoulillahi azza wa jal, de renforcer notre foi pour que cette peur éventuelle d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui à la base peut être naturelle et excusée, devient du petit shirk et haram, si jamais elle amène donc au délaissement d'une obligation ou bien à faire un péché. Deuxième catégorie, donc de peur citée par le shirk, rahimahullah, khawful ibadah, donc la peur adoratoire, de l'adoration. An yakhafa ahadan yata'abbadu bil khawfi lah. Donc, qu'il ait peur de quelqu'un et qu'il adore donc cette personne-là, ou bien cet ange-là, ou bien ce djinn ou autre, à travers cette peur. Même s'il n'y a pas d'acte qui prenne naissance de cette peur. La peur, par exemple, de son shirk. La peur des anges. La peur des djinns. La peur des morts, la peur des saints. Cette peur, elle entre dans le shirk akbar. Elle entre dans le shirk akbar. S'il recherche l'adoration de manière totale et absolue, hein, et aussi si c'est la peur, donc la peur du mort de manière totale et absolue, c'est du shirk akbar. Celui qui a peur des morts, qui a peur qu'il lui fasse du mal. Ça, la peur aussi, donc des djinns, la peur des djinns, il a peur qu'il lui fasse du mal, il a peur qu'il lui coupe sa descendance, il a peur que de certaines choses dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable, ceci entre aussi dans le grand shirk. Il a peur aussi de l'absent, il a peur de quelqu'un qui est absent, qui n'est pas présent devant lui, et d'une chose dont seul Allah est capable. Qu'il lui coupe sa descendance, qu'il le fasse tomber malade. Ça entre dans le shirk akbar. Et aussi pour le présent. Avoir peur de quelqu'un qui est présent devant moi, de quelque chose dont seul Allah est capable, aussi entre dans le shirk akbar. J'ai peur. Donc qu'il me coupe ma descendance. J'ai peur qu'il me rendre pauvre ou autre, ces choses-là, seul Allah en est capable. Après, j'ai peur qu'il me tue, non, ça c'est autre chose. Ça c'est une cause, il en est capable. Mais la peur d'une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable, ceci est interdit. Donc il dit, le shirk, le deuxième type, c'est la peur adoratoire, c'est qu'il ait peur de quelqu'un et recherchant l'adoration à travers cette peur. فَهَذَا لَا يَكُنُوا إِلَّا لِلَّهِ وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ أَكْبَرُ. Ceci n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et vouer ceci à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk dit, est du grand shirk. النَوْعُ الثَّالِثُ, le troisième type, il dit خَوْفُ السِّرِّ. خَوْفُ السِّرِّ, la peur, donc il dit secrète, c'est-à-dire la peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je l'ai intégré dans le deuxième. Lui il en a fait une troisième catégorie. Donc on se reprend, c'est une troisième catégorie selon le shirk. La peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit comme par exemple avoir peur d'un mort dans sa tombe. Avoir peur d'un mort. Et ça c'est extrêmement grave ça. Quelqu'un qui a peur d'un mort, qui rentre dans un cimetière, il a peur d'un mort, qui va laver un mort, il a peur que ce mort lui fasse du mal. C'est du shirk akbar ça. Awwaliyan. بعيداً عنه لا يؤثر فيه, ou il a peur d'un saint éloigné qui ne peut pas avoir d'impact sur lui, même s'il est proche. Si j'ai peur de lui, j'ai peur d'une personne qui est devant moi qui prenne un couteau et qui me plante ce couteau dans le ventre, ça c'est une peur qui est justifiée. Mais j'ai peur que à distance comme ça, par une aura ou un pouvoir, il me tue, ça c'est du shirk akbar. Ou que à distance comme ça, par une formule magique, il me fasse tomber malade ou autre, ça rentre dans le shirk akbar. Même le sihr. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. J'ai peur que le sorcier, hein, par distance, il me tue, il me fasse tomber malade, il me fasse divorcer de ma femme. Non. J'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière seule et unique. Allah a mis un ta'thir, Allah a mis une conséquence dans les causes. Mais cette cause-là, du début à la fin, ne peut aboutir que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc la peur que le sorcier me sépare de ma femme, ça c'est lui attribuer à lui de manière directe ce pouvoir-là. Car il se peut qu'il va mettre en place des formules, et c'est gris-gris tout ça pour te séparer de ta femme ou bien te tuer ou autre. Mais ceci ne pourra aboutir que si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas avoir peur d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est dans le sens, hein, le sens que nous avons vu comme Moussa alayhi salatu wa salam, qui avait peur donc des gens qui le tuent. Car ils en ont la capacité. Mais ils n'avaient pas peur qu'ils le tuent, hein, assis dans leur palais par des formules magiques. Hein, qu'ils tuent Moussa à distance. Ils n'avaient pas peur de ça, Moussa. Ils avaient peur qu'ils le rattrapent et qu'ils le tuent physiquement en ayant un contact avec lui. Donc la peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme avoir peur de quelqu'un qui est enterré ou bien d'un saint éloigné qui n'a pas d'impact. لَكِنَّهُ يَخَافُهُ مَخَافَةَ سِرِّنْ فَهَذَا أَيْدًا ذَكَرَهُ الْعُلَمَى مِنَ الشِّرْكِ. Donc il a peur de lui parce qu'il est à distance, il a peur qu'il ait un impact quel qu'il soit. Et de même la peur des djinns. La peur des djinns, la peur qu'il me fasse quelque chose comme me tuer ou autre. Non, هذا الأصل. L'asl, la base dans notre shara. Hein? On n'a pas de délil là-dessus. Ça, c'est muta'alliq bil ghaib. On croit à l'existence des djinns. Mais les détails auxquels sont arrivés les gens aujourd'hui, les histoires un peu farfelues que certains rapportent, hein? Là, il faut des senèdes, mes frères. Quelle que soit la personne qui rapporte ça. Même un grand savant, il apporte ça sans senèdes dans un livre. Ce n'est pas des choses que l'on accepte comme ça. Ça, c'est en lien avec l'invisible. L'aqidah, les tawqifiyah, on ne peut pas faire pénétrer dans notre aqidah des choses comme ça. Le djinn, il te prend, il te balance, il te prend sur son dos, il vole avec toi dans le ciel. Non, on n'atteste pas ça de ça, nous, dans notre quotidien. Dans notre quotidien. La base, c'est que le djinn, il est invisible et les deux mondes sont séparés et il n'y a pas contact. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa volonté, quand il veut, il peut donner une forme humaine au djinn. Comme ça a été le cas, par exemple, de Abu Huraira, qui a vu un démon qui est venu voler de la zakat qui est venu prendre. Mais ça, c'est des exceptions, c'est par la volonté divine. Pas je vois une porte bouger chez moi, c'est un djinn qui l'a bougé. Non, c'est un courant d'air. Et ça, c'est de l'ordre de l'exception. Allah, quand il veut, il exécute cela par sa volonté universelle, subhanahu wa ta'ala. Mais à la base, qu'il y a un contact entre les deux mondes total et absolu. Ça, à la base, non. C'est un monde invisible qui est dépendant, et le nôtre est dépendant. Les humains ont leur vie, les djinns ont leur vie. Et nous avons les mêmes responsabilités quant au fait de répondre aux messages donc des prophètes, en l'occurrence du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, en cette époque depuis son envoi. Mais le contact direct comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est d'ailleurs même beaucoup présent dans la vie des salafs. On n'a pas beaucoup de choses comme ça. Le prophète alayhi salatu wa salam a fait de la ruqya, il a parlé, il a dit « Ukhruj ya adou Allah, sors au ennemi d'Allah ». Mais les récits, ils doivent être gardés donc comme ils ont été apportés. Et on ne doit tirer de ces récits-là que ce qui a été apporté par ce récit-là. Donc que le djinn peut entrer dans l'humain, ça c'est possible. Pourquoi ? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Ukhruj, sors, sors d'où ?» C'est parce qu'il est dans le corps. Mais que la personne entre dans une phobie, il est dans sa voiture, il a peur de frapper un djinn avec son pare-choc. Il dit « Allah, il va se venger de moi, après il va venir à la maison. Donc je prends plus ma voiture, je marche à pied. » Ou quand il marche dans la rue, il a peur d'écraser un djinn avec son pied. Hein, il n'y a pas de l'eau dans les siphons. L'eau dans les siphons, ouais. Certains savants le disent parce que tout ce qui est « Mekan Khabith », ça entre dans le mais même ça, ça rentre dans le raïb. Ça rentre dans le raïb. De dire « Bismillah » avant de jeter de l'eau bouillante, certains chiurs, Cheikh Al-Barrak a cité que c'était légiféré, Hafidhahullah. Allah a'lam la tasmiya, ça reste toujours quelque chose qui est une ibadah à laquelle il faut un dalil. Il s'appuie sur des dalils généraux comme ça, du fait que ce sont des endroits qui sont souvent impurs et sales, et les djinns aiment les habiter. Mais Allahu a'lam, muhim, al-ilmu indallah, ça demande un tahqiq profond. Ça. Mais ala kulli hal, il ne faut pas avoir attribué aux djinns des choses qu'ils n'ont pas, hein, des pouvoirs qu'ils n'ont pas, et entrer dans une peur comme cela. Donc à la base, non, il n'y a pas la peur du djinn. Il va venir à me frapper, il va me tordre la bouche, ou il va me casser le bras. Non, le djinn, n'est pas, à la base, il n'a pas cette capacité-là. Tu es en train d'attribuer aux djinns ce qui n'est pas attribué dans le Coran, hein, et la Sunna. Donc cette forme de peur-là est interdite. la peur. Donc des saints, des djinns et autres, même du vivant qui est absent ou bien qui est présent mais qui n'est pas capable de cette chose-là. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en est capable. Donc, وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, et ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc, الخوف est une condition dans la foi. L'absence de peur implique l'absence de la foi. Celui qui prétend la peur intérieure et cette peur ne donne pas comme fruit donc des actes extérieurs et menteurs, donc dans sa prétention. الرَّجَى وَالدَّلِيلُ الرَّجَى, et la preuve donc de l'espérance. قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. الشيخ donc محمد بن صالح العثيمين رحمه الله dit الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال. Donc c'est l'envie, l'espérance d'une personne concernant une situation, quelque chose qui est proche dans son appropriation, qui est quelque chose qui n'est, dont on espère de manière prochaine obtenir. Et il se peut que ce soit quelque chose, donc facile d'obtention. Raja, c'est l'espérance d'obtenir quelque chose, donc de manière immédiate, prochaine. Et il se peut que ce soit pour quelque chose, donc de lointain, de difficile à obtenir. Ar-raja, l'espérance. Et donc cette espérance-là aussi entre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, donc de son ma'boud, de son adoré. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse donc des bonnes actions, des actes salih, donc qui sont en conformité à la législation et sincères. Al-amal salih, c'est l'acte qui répond à ces deux critères, sincère et en conformité à la législation. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, et qu'il n'associe à l'adoration de son Seigneur quiconque. Donc comment est-ce que l'on tire de ce verset-là que ar-raja est une adoration? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait montré que l'implication de celui qui espère en la rencontre de son adoré Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse des bonnes actions. Et ce qui implique des bonnes actions est en lui-même une bonne chose. Toute racine donnant donc comme fruit, comme ramification, des bonnes actions est en elle-même quelque chose qui est bien aimé, agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc une adoration. Donc ar-raja, selon ce verset-là, il est établi que ar-raja, l'espérance, est une adoration. Et l'adoration et l'espérance donc qui est reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui donne naissance à l'acte. Comme c'est mentionné dans le verset, celui qui espère à la rencontre d'Allah, qu'a dit Allah ? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse donc des bonnes actions. Donc celui qui prétend espérer à Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'agit pas, est-ce qu'il a en réalité un raja dans son cœur? Nous sommes ici dans les adorations du cœur là depuis le début. Al-du'a, c'était la langue. Et nous avons ensuite parlé de al-khawf, la al-raja, qui sont des adorations du cœur, impliquant ensuite les adorations donc du corps et de la langue. Donc celui qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit فَلْيَعْمَلْ, il ordonne qu'il fasse des bonnes actions. Donc celui qui ne fait pas de bonnes actions de A à Z, jamais, ni il ne délaisse donc ce que Allah a interdit, et ni ne fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, لَيْسَ بِمُسْلِمِ, il n'est pas musulman. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe pas donc, et qu'il n'associe Allah subhanahu wa ta'ala quiconque, personne. Surat al-Kahf, verset 110. Donc, الرجاء, attribuer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'espérance et du shirk akbar. Et du shirk akbar. Lorsque cette espérance-là est dans le sens adoratoire. Qui implique donc le rabaissement, al-zul wal-khudu', hein, l'humilité, l'humiliation devant celui en qui on espère. Et ceci, donc, doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais espérer de quelqu'un quelque chose dont il est capable, sans attribuer le résultat à cette personne-là, est-ce que ceci entre dans le shirk akbar? Non. Ceci n'entre pas dans un shirk akbar. Espérer que quelqu'un me prête de l'argent, par exemple. J'espère que quelqu'un me prête de l'argent. J'ai cette demande-là dans mon cœur. J'aimerais bien qu'il me prête de l'argent. Ça n'entre pas dans shirk al-akbar. Car tu espères de cette personne-là qu'il te prête de l'argent et ceci est permis. Mais si cette espérance-là te pousse à l'adoration de cette personne, donc l'appauvrissement, le rabaissement, l'humiliation, l'humilité, l'obéissance à cette personne, faire le haram pour lui, pour qu'il te prête de l'argent, ou faire des adorations pour lui, bon, bien sûr, là que ça entre dans le shirk al-akbar. Cheikh al-Uthaymeen dit: wa'alam anna al-raja'a al-mahmoud la yakunu illa liman amila bi ta'atillahi wa raja thawabihi. Et sache donc que l'espérance, donc dont Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge, est celle donc qui donne naissance à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'espérance a sa récompense. Donc l'espérance sans acte n'est pas une espérance authentique. Et le cheikh ici a cité Ar-Raja, donc l'espérance après Al-Khawf, car ce sont, comme on dit beaucoup de salafs, les deux ailes du salut. Tout comme le serviteur doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit aussi espérer à Allah subhanahu wa ta'ala. Peur d'Allah, de son châtiment, espérer à Allah, espérer en sa miséricorde. Donc le cheikh a cité l'espérance après la peur parce que ce sont les deux ailes du salut. Donc l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala est demandée et la crainte, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala est demandée. À la base, il doit y avoir équilibre entre ces deux actes du cœur. Car le Coran et la Sunna ne sont pas venus donner la prédominance à l'un plus qu'à l'autre. Mais s'il y a un penchant exagéré de la personne du côté donc de l'espérance au point où il entre dans l'illusion et oublie le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les péchés, la désobéissance, à ce moment-là, il faut que cette personne donc travaille sa peur et lui donne la prédominance car il a dévié et est dans l'exagération de l'espérance. Et à l'autre extrême, si quelqu'un se trouve exagérateur dans la peur au point où il risque de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il doit donner la prédominance et la priorité donc à l'espérance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à la base, il y a donc équilibre entre ces deux actes du cœur qui sont la peur et l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. ودليل التوكل الى بروف دو توكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين الى بروف دو توكل remettez-vous-en à Allah si vous êtes croyant. Remettez-vous-en à Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes croyant. التوكل donc c'est un acte du cœur qui, s'il est authentique, doit donner naissance aux actes du corps. Cet acte du cœur, il doit répondre à trois piliers. Le premier, al-i'timad 'ala Allah. Donc, s'en remettre, s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, al-thiqatu fillah. Al-thiqatu billah. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième, al-akhdhu bis-sababi. Le troisième pilier, prendre donc la cause qui a été mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la prise, la pratique de la cause, donc oublier, perdre de vue cette cause-là et attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le résultat. Donc les gens de la sunna, contrairement à certains exagérateurs soufis ou autres égarés, prennent les causes et ceci ne va pas à l'encontre du tawakkul. Le plus grand des mutawakkilin, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a donc émigré de la Mecque vers Médine, il a mis en place des causes pour se protéger du danger de Quraysh. Il n'est pas parti comme ça. Il a dit c'est Allah qui protège. Et il n'a pas mis en place de causes pour se protéger. Il s'est caché dans la grotte. Il a dit à Ibn Fuhayra donc de venir avec ses brebis et d'effacer ses traces ainsi que les traces d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc le prophète alayhi salatu wa salam mettait en place les causes. Mais après toutes ces causes-là mises en place, est-ce qu'il attribuait le résultat à sa propre personne ou bien à Allah subhanahu wa ta'ala? Après ces nombreuses batailles, après les nombreux stratagèmes mis en place, après les nombreuses dépenses d'argent, de temps, de personnes fait par le prophète alayhi salatu wa salam et les compagnons, lorsqu'il entre à la Mecque, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah, alladhi nasar abda. La louange est à Allah, celui qui a donné victoire à son serviteur. Wa anjaza wa'dah, et qui a donc concrétisé sa promesse. Wa hazam al ahzaba wahdahu, et qui a terrassé les coalisés seul. Donc, ahlu sunnah wal jama'a s'appuient, premier pilier, s'en remettent à Allah. Deuxième, ils ont confiance à Allah. Troisième pilier du tawakkul, ils mettent en place la cause, ils prennent la cause, utilisent la cause. Mais après la pratique de la cause, que la conséquence ait eu lieu ou pas, le résultat est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la cause, comme nous avions dit, as-sabab, il se peut que la conséquence, al-musabbab, il se peut que la conséquence naisse, apparaisse, et il se peut qu'elles n'apparaissent pas. Donc prendre des médicaments, ça ne va pas à l'encontre du tawakkul. Tant que cela rentre donc dans le caractère légiféré du médicament. Si ce médicament est halal, et s'il est pris dans le sens d'une cause, sans lui attribuer la capacité, le pouvoir de guérir. C'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée. Et la cause est mu'athira chez Ahl Sunnah. La cause, elle a donc une conséquence. Mais la guérison, lorsqu'elle apparaît, est attribuée à Allah ou bien est attribuée au médicament. La guérison est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala prétend s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala sans prendre les causes, alors qu'il a à sa disponibilité les causes, n'est pas en réalité en situation de tawakkul, mais en situation de tawakkul. Il n'est pas en situation de tawakkul. Allah dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Remettez-vous-en à Allah si vous êtes croyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait dit wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayez peur de moi si vous êtes croyant. Et on avait tiré de ça que la peur est un pilier de la foi, une condition, une composante de la foi. Absence de peur, absence de iman. In kuntum mu'minin aussi, Allah ici dit aussi, fatawakkalu, remettez-vous en Allah si vous êtes croyant. Qu'est-ce qu'on tire de ce verset par rapport au tawakkul? Que le tawakkul est une condition aussi dans la foi. Est un pilier. Et quand on dit la condition, ce n'est pas la condition comme dans la prière. Couvrir ses parties intimes, s'orienter vers la Qibla, qui sont des conditions obligatoires, mais extérieures à la composition de la prière. Non. Ici, ce sont des shurut, des conditions dans le sens pilier. Donc, entrant dans la composition même de la matière, donc de la foi. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Remettez-vous en Allah si vous êtes croyant. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas croyant, remettez-vous en Allah autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, atawakkul 'ala shay'i al-i'timad 'alayhi. Cheikh Al-Uthaymeen dit, atawakkul. Donc, sur quelque chose, c'est s'appuyer sur celle-ci, s'en remettre à celle-ci. Et donc, atawakkul 'ala Allah, c'est s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala. en pensant donc qu'il nous suffit et pour nous apporter le bien et repousser le mal. Et ceci fait partie donc de la complétude de la foi et des signes de la foi, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et remettez-vous-en à Allah si vous croyez. وَعَلَمْ أَنَّ تَوَكُّلَ أَنْوَعِ. Et sache que le tawakkul, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, est de différents types. Le premier, التوكل على الله وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه. Donc il dit le tawakkul, s'en remettre à Allah, et ceci fait partie donc de la complétude de la foi. Ça ne veut pas dire que s'il y a absence de tawakkul, il y a toujours présence de la foi. Il ne faut pas comprendre cela par tamam, par complétude. Ceci fait partie de la complétude de la foi et des signes de sa véracité. وَهُوَ وَاجِبٌ. Et c'est une obligation. لَا يَتِمُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِهِ وَسَبَقَ دَلِيلُهُ. Et la foi n'est complète que s'il est présent. Et son dalil a été cité précédemment. الثاني, le deuxième type de tawakkul. تَوَكُّلُ السِّرِ. Donc s'en remettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. بِأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَيِّتْ فِي جَلْبِ مَنْفَعَ. Donc s'en remettre à un mort par exemple. S'en remettre à un mort pour qu'il nous apporte un bien. Quelqu'un fait le tawakkul sur quelqu'un qui est dans sa tombe. Il s'en remet à un mort. Ou bien pour qu'il nous repousse un mal. Donc celui qui s'en remet à un mort, qui place sa confiance à un mort, ceci est du shirk akbar. Pourquoi? Car ceci n'intervient que d'une personne qui a une croyance par rapport à ce mort, que ce mort a une gestion donc dans cet univers-là, et qu'il a la capacité donc d'apporter le bien et d'apporter le mal, ce qui est seulement uniquement une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de différence que ce mort-là soit donc un prophète ou bien un saint ou bien que ce soit même un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, un tarout, comme a dit Sheikh Al-Uthaymeen, quelle que soit la catégorie de ce mort-là, même si c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, quelqu'un se met devant la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dit « Oh Muhammad, guéris mon fils », il est sorti de l'islam et il a fait du grand shirk. C'est un mushrikun kafir, car il a voué une forme d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui s'en remet au prophète alayhi salatu wa salam aussi, celui qui fait une invocation du prophète alayhi salatu wa salam est un mushrik. De même celui qui s'en remet au prophète alayhi salatu wa salam ou s'en remet à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens adoratoire. Donc dans le sens adoratoire, de placer sa confiance, et ce tawakkul là donc donne naissance à une adoration. الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. Donc là le cheikh cite une autre forme de tawakkul sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est s'en remettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que cette personne-là ou autre gère et a en son pouvoir à la base, a en sa capacité, mais avec le sentiment donc du haut degré de cette personne-là et le rabaissement de celui qui s'en remet à cette personne-là. Comme par exemple le fait de se rabaisser devant son patron parce que c'est lui qui me donne mon salaire. Donc le fait d'avoir dans son cœur, le degré, la prédominance de cette personne-là et mon rabaissement devant cette personne-là, parce que cette personne a donc dans ses mains quelque chose, donc il m'attribue cette chose-là, le shirk dit وَنَحْوِهِ فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ. Donc ce type-là de tawakkul, s'en remettre à cette personne avec ces sentiments-là, ça entre dans le petit shirk. Il dit amma law i'tamada alayhi ala annahu sabab. Mais si il s'en remet à lui, dans le sens où c'est une cause simplement. Wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalika ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa bih. Mais s'il s'en remet à cette personne dans le sens où c'est une cause et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donc prédestiné cela et qui a mis entre les mains de cette personne ton salaire, mais que c'est Allah qui prive ou donne le salaire, et non pas cette personne-là. Mais que cette personne-là est simplement un vecteur, ceci, Inch'Allah, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. Mais si jamais il existe une véritable conséquence possible de cette personne à laquelle on s'en remet. Donc si réellement je suis en contrat avec cette personne et que dans le contrat elle doit m'attribuer un salaire, hein, et que moi, c'est-à-dire maintenant, j'ai intégré cette cause. Puisque je travaille, donc de manière naturelle, je vais regarder mon compte en banque en début de mois et j'ai intégré ça, qu'il va y avoir un virement de tant d'euros. Donc arriver avec cette confiance-là devant le guichet et avec une certitude donc de voir le salaire. Est-ce que ça rentre dans le shirk al-akbar? Non. Est-ce que ça rentre dans le shirk al-asrar? Non, tant que l'attribution donc de ce risque, de cette subsistance, est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala et que ce contrat-là, ce patron-là, cette société-là n'est qu'un vecteur, une cause. Mais le fait que je tranche, puisque cette personne-là est celle qui me donne le salaire, mon risque est garanti maintenant. Il est garanti et c'est sûr, car l'attribution se fait par lui et là ça rentre carrément dans le shirk al-akbar. Parce qu'on a attribué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala la capacité de donner la subsistance. Donc le tawakkul sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une adoration dans certains cas. Wa tawakkul ala Allah hada shay'un 'azim, c'est une très grande qualité du croyant. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, qui était un des grands guerriers du shirk et qui faisait très attention à ce que ne pénètre pas dans cette communauté-là le shirk. Par rapport au tawakkul, Omar radiyallahu an a eu une grande position dans laquelle il a voulu éduquer les sahaba radiyallahu an, notamment par rapport au fait que s'il y a apparition de la cause, il n'y a pas obligatoirement apparition de la conséquence. Et c'est à ce niveau-là que le tawakkul un peu rapidement passé d'un tawakkul, donc permis pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons dit, s'en remettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour qu'il me comble un besoin par exemple. Je donne un courrier à quelqu'un et je lui dis tu le transmets. Par exemple la poste aujourd'hui. Ça c'est une forme de tawakkul ala la poste. Quand tu postes une lettre, tu la mets dans la boîte jaune. Tu t'en remets à la poste. C'est du tawakkul mais qui n'est pas adoratoire. Donc pour toi, il est normal, tu places ta confiance en la poste. Ce courrier, il va arriver à la bonne adresse. Mais c'est sûr, à 101%, non, là c'est du shirk. C'est certain que le courrier va arriver. C'est sûr à 100%. Il n'est pas possible, de manière totale et absolue, que soit perdu ce courrier-là. Là tu attribues de la rouboubi à la poste. Ils sont tout observateurs, tout sachants, omnipotents, omniscients, puisqu'ils ne vont pas perdre de courrier. Mais toi, tu places ta confiance en la poste, tu donnes ta lettre, tu la postes. Et tu penses de manière majoritaire, elle va arriver, Inch'Allah. Mais qui va la faire arriver? Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah veut qu'elle se perde, qu'elle soit volée, brûlée, déchirée, mouillée, qu'elle n'arrive pas, perdue, à tout jamais, Allah en est capable. Car lorsque la lettre arrivera à bon port, c'est Allah qui l'a fait arriver à bon port. Et la cause utilisée était une cause permise qui était la poste. Donc, l'utilisation de la cause, il n'y a qu'un fil pour que les gens dévient et en arrivent à cette interdépendance entre la cause et la conséquence qui est fausse en réalité. À la base, oui, chez Ahl Sunnah, on a dit la cause, elle a un impact. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'utiliser le médicament, parce que c'est une cause pour la guérison. Allah, il dit par rapport au mécrant, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَى. Et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Et comme cavalerie. Mais est-ce que la présence des armes et des chevaux va donner obligatoirement la victoire aux musulmans? Non. D'ailleurs, où ils ont la bataille de Hunayn, certains jeunes ont dit nous ne serons pas battus aujourd'hui du fait de notre grand nombre. Donc ils s'en sont remis au nombre, ils ont placé leur confiance. Donc dans cette cause qui est une cause en réalité aussi, donc de victoire, le grand nombre. Quelqu'un qui est tout seul, c'est pas comme quelqu'un qui sont au nombre de 12 000 comme c'était le cas dans la bataille de Hunayn. Mais Allah a voulu montrer que le nombre ne donne pas obligatoirement comme conséquence la victoire. Omar radiallahu an, donc après les nombreuses victoires de Khalid ibn al-Walid radiallahu an, ayant peur que justement les gens s'en remettent à la présence de Khalid, il a voulu éduquer donc ses armées. Car lorsque Khalid ibn al-Walid était dans une bataille, les musulmans gagnaient. Donc de peur que la cause-conséquence ne devienne une règle, donc sans exception infaillible dans le cœur des gens, Omar radiallahu an a donc fait ce qu'on appelle le azl de Khalid ibn al-Walid, a enlevé Khalid ibn al-Walid comme étant à la tête des armées et a mis à sa place Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu an. Et il a dit, je n'ai pas enlevé Khalid comme étant donc le chef des armées parce que je lui reproche quelque chose, mais c'est parce que j'ai voulu montrer aux gens que la victoire provient d'Allah. Car les gens commençaient à comprendre que s'il y a Khalid, c'est bon, on va gagner, ce qui est totalement faux. Il peut y avoir 1000 Khalid ibn al-Walid en face d'un seul mécréant et Allah donnera la victoire au mécréant s'il veut. Car la victoire, comme dit Allah, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, et la victoire ne provient que d'Allah, وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ, et en aucun cas, donc d'une personne, quelle qu'elle soit. وَدَلِلُ الرَّغْبَةِ, le Cheikh Rahimallah dit ensuite, concernant les dalils du tawakkul, on a cité le premier verset, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, remettez-vous-en à Allah si vous êtes croyant, وَقَالَ, et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce verset c'est Surat Al-Ma'idah, verset 23, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Deuxième verset cité par Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, et celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, le divorce, verset 3. Et il n'y a pas de doute, celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ, le dalil de la raghba. وَالرَّهْبَ وَالْخُشُوعُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Et la preuve de الرَّغْبَة, الرغبة الشيخ العثيمين رحمه الله دي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب, c'est l'amour de pouvoir atteindre quelque chose d'aimé. Donc الرغبة c'est un très haut niveau d'amour. Et الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف, c'est la peur, الرهبة c'est la peur donnant comme fruit, comme conséquence la fuite de ce dont on a peur. C'est aussi un très grand niveau de peur, الرهبه. فهي خوف مقرون بعمل, donc الرهبه c'est une peur qui est accompagnée d'actes. Et al khushu' ça vient de khasha'at al ard, lorsque la terre elle est aplanie. Al khushu' c'est al dhull wa at-tatamun li'azamati Allah bihaythu yastaslimu liqada'ihi al-kawni wa al-shar'i. Donc ces trois notions-là sont des adorations de la langue, du corps, du cœur. Du cœur à la base, na'am, du cœur. Mais elles doivent donner naissance à des actes. Et donc la preuve apportée par le Cheikh pour prouver le caractère adoratoire de ces trois actes-là, c'est la parole d'Allah. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, Allah parle de ses prophètes. Il dit إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, ils s'empressaient de faire le bien, les bonnes actions. وَيَدْعُونَنَا, et ils nous invoquaient, ou bien nous adoraient. رَغَبًا, donc par envie excessive. وَرَهَبًا, et par peur excessive. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, et ils étaient donc humiliés en état de خُشُوع pour nous. Allah a fait l'éloge de ces personnes par rapport à ces trois actes. Allah ne fait l'éloge que de quelque chose qu'il aime. Donc ces trois notions-là sont une adoration. Donc, attribuer ceci à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque c'est une adoration, ça devient du shirk akbar, un peu ou beaucoup. Donc, ar-rahba pour autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Ar-rahba, la peur donc d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi du shirk akbar, ainsi que le khushu. C'est quoi le khushu? Khushu, c'est l'humilité. C'est un mot qui rassemble beaucoup d'expressions, l'humilité, le rabaissement, l'appauvrissement, le recueillement. Donc c'est le même détail que la peur concernant ar-rahba, c'est le même détail que ar-raja, l'espérance, et ar-rahba, c'est le même détail que la peur. Donc des différentes catégories de peur et d'espérance. Vous revenez aux paroles qui ont été dites auparavant, on ne reprend pas le détail. Wadalil al-khashya. Et la preuve de al-khashya. Al-khashya, c'est al-khawf al-mabni ala al-ilm bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi li qawlillahi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-khashya, dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, c'est la peur, donc al-khawf, qui est fondée sur la science de la grandeur de celui que je crains et de la complétude de son pouvoir. Et ceci est prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, seuls les savants craignent Allah parmi ses serviteurs. Donc la peur est plus générale que la crainte. La crainte est plus spécifique que la peur, car c'est une peur mélangée à une science profonde de celui dont on a peur. Sourate Fatir, le créateur, verset 28. Donc, ay al-ulama, Cheikh Al-Uthaymin explique ces savants-là. Ay al-ulama ou bi'azamatihi wa kamali sultanih. Donc, les savants connaissant donc la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et la complétude donc de son pouvoir. Fahiya akhassu min al-khawf. Donc, al-khashya est plus spécifique que al-khawf, la peur. Donc, ce ne sont pas obligatoirement les savants du shara, hein, les savants de la sharia. Quelqu'un peut être un savant de la sharia, mais ne pas avoir une crainte, une khashya intérieure. Pour connaître le livre d'Allah, son tafsir, les hadiths, le faible de l'authentique, etc. Mais ne pas avoir ce sentiment de khashya. Car ce sentiment de khashya, il est en lien avec les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance du shara, bien sûr, amène à la complétude et apporte aussi une preuve des qualités et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le détail d'al-khashya, c'est le même détail que la peur. Donc, elle achète une adoration. Quel est le délil? Fala tachshawhum wachshawni. Surat al-Baqarah, verset 150. Ne les craignez pas et craignez-moi. Donc, Allah a interdit de craindre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et a ordonné de le craindre. Puisqu'il a ordonné la crainte, c'est qu'il aime la crainte. S'il aime la crainte, c'est que c'est une adoration. Wa dalilu al-inaba. Wa dalilu al-inaba. La preuve de al-inaba. Al-inaba, on va traduire ça par le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inaba, c'est at-tawbah wa ziyada. C'est le repentir avec un ajout, quelque chose de supplémentaire. Le repentir, il est repentir s'il répond à différentes, à plusieurs conditions. La première, le délaissement du péché. La seconde, le regret d'avoir fait ce péché. La troisième, c'est l'intention ferme de ne plus refaire ce péché. Lorsque le péché est entre moi et le Créateur, lorsque le péché en plus fait intervenir donc un dommage sur un humain, alors à ce moment-là, il faut en plus réparer ce dommage-là. Quatrième condition. Al-inaba, c'est les conditions donc de la tauba avec en plus la constance. La constance sur l'état post-tauba, qui est donc la constance sur le délaissement de ce péché-là. Quelqu'un qui a forniqué, qui arrête la fornication, qui prend la ferme intention de ne plus forniquer, et qui regrette d'avoir forniqué, et refornique le lendemain. Lui, c'est un mounib, c'est quelqu'un du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait une tauba. Elle a accepté, bi-iznillah, inshallah, si Allah a accepté, sa fornication a été pardonnée. Mais il n'est pas dans le degré de inaba, car il ne fait pas preuve de constance après sa tauba. Donc, l'inaba, c'est la tauba avec, en plus, la constance après l'état post-inaba. Allah dit, « Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah » et revenez vers votre Seigneur, donc vers votre adoré, wa aslimu lahu, et soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à lui. Donc la soumission al-islam, Cheikh Al-Uthaymin rappelle ce que nous avions dit déjà auparavant. Al-islam, il a deux sens ici. Al-islam ul-kawni, islam ul-kawni, l'islam universel, et c'est donc la soumission au décret divin, donc universel, et ceci est général pour toutes les créatures qui sont dans les cieux et dans la terre. Ils sont tous soumis au décret divin, à ses prédestinés. Allah dit, et c'est à lui que se sont soumis ceux qui sont dans les cieux et la terre, de gré ou malgré eux, et c'est vers eux qu'ils reviendront. Et il y a le sens, donc législatif, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant, faisant ce qu'il a rendu obligatoire, et délaissant ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est le sens visé dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslimu lahu, et soumettez-vous à lui, dans le sens législatif, bien sûr. Donc, al-inab, le retour à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis, car c'est un acte du cœur qui doit être voué seulement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le retour vers quelqu'un donnant comme fruit l'adoration de cette personne-là est du shirk akbar. Donc si je reviens vers quelqu'un parce que j'espère de lui qu'il va me donner un bien et me repousser un mal, le retour vers quelqu'un parce que il donne le bien et repousse le mal de lui-même, et la preuve de al-isti'ana, c'est la demande de secours, la demande d'aide, la demande d'aide. Ça vient de al-aoun, qui est l'aide. Al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Et al-isti'ana, donc, elle est de plusieurs catégories aussi. Il y a la première, Cheikh Al-Uthaymin dit, al-isti'anatu billah, donc demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que c'est al-isti'anatu al-mutadamminatu likamali dhulli min al-abdi li rabbihi wa tafwidi al-amri ilayh wa tafwidi al-amri ilayh wa i'tiqadi kifayatihi. Donc c'est la demande d'aide comportant l'humiliation complète envers celui à qui je demande. Et aussi le fait de placer ma situation donc auprès de celui en qui je place ma confiance, qui est Allah ici en l'occurrence, wa i'tiqadi kifayati, et la croyance qu'il me suffit par rapport à ce que je lui ai demandé, donc de par rapport à la demande que je lui ai faite. Il dit, وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ, et cette forme d'aide-là, avec ces composantes que nous venons de citer, elle n'est permise qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celle que nous demandons dans surat al-Fatiha, et c'est le dalil cité par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, c'est que toi que nous adorons, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, et nous ne demandons aide, secours qu'à toi. À la base, c'est وَنَسْتَعِينُكَ. وَنَسْتَعِينُكَ, le damir a été séparé et a été mis devant le verbe, alors qu'à la base il doit être après le verbe. Mais l'avancement de ceux dont la base est le recul montre l'exhaustivité, la restriction. Donc nous n'adorons que toi. نَسْتَعِينُكَ, nous t'adorons, et peut-être autre que toi avec toi. إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, nous n'adorons que toi. نَسْتَعِينُكَ, nous demandons secours à toi et peut-être à autre que toi. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, nous demandons secours seulement et uniquement à toi. Donc c'est une adoration. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié donc ses serviteurs comme étant des gens demandant son secours dans la plus grande sourate du Coran qui est Al-Fatiha. وفي الحديث, et dans le hadith du prophète alayhi salat wa salam rapporté par Ahmed wa Tirmidhi, إذا استعنت فاستعن بالله, إذا استعنت فاستعن بالله, c'est la parole du prophète alayhi salat wa salam dit à Abdullah ibn Abbas, son cousin radiyallahu anhuma, et si tu demandes secours à Allah azza wa jal. Donc ça c'est l'isti'an, à la demande de secours dans le sens adoratoire, dans le sens de l'adoration. Le second type d'isti'ana, que Que cite Cheikh Al-Uthaymin, Al-Isti'anatu bil makhluqi ala amrin yaqdiru alayhi. Donc demander secours à une créature par rapport à une chose dont il est capable. فهذه على حسب المستعان عليه. Donc ceci est fonction de à qui je demande ce secours-là. Donc je suis en train de remplir le coffre de ma voiture. Quelqu'un passe, je lui demande aide. Oh un tel, aide-moi à mettre cette valise, elle est lourde dans mon coffre. Aide-moi à remplir mon coffre des bagages. هذا شرك أكبر. Allah il a dit إياك نستعين. Nous ne demandons secours qu'à toi. Et ça c'est une isti'ana. Donc il a fait du shirk akbar, on dit ça? Non, parce que cette isti'ana n'entre même pas dans l'adoration. On ne dit pas c'est une isti'ana adoratoire permise. Non. L'isti'ana adoratoire, elle est haram et du shirk akbar mutlaqan de manière absolue lorsqu'elle est attribuée à autre qu'Allah. Cette isti'ana-là, c'est une isti'ana dans le sens linguistique. Pas dans le sens législatif. Donc ça n'entre pas dans le shirk. Et le shirk, il dit, ça dépend de à qui on demande ça. Donc si on demande ça à quelqu'un ayant la capacité, c'est permis. Il a dit, mais si on demande ça à quelqu'un, donc à un handicapé par exemple, il passe sur un fauteuil roulant et tu lui dis, aide-moi à remplir mon coffre. Il a dit, هذا من العبث. Il a dit, ça c'est de la stupidité, de l'imbécilité. C'est de la moquerie. Mais il a dit, même ça c'est interdit. Il a dit pour deux raisons. La première, il a dit, لِأَنَّ هَذَا اللَّغْوُ. Donc il a dit, ça c'est une perte de temps et ça sert à rien. Parce que la personne, elle n'en est pas capable. Et la deuxième, il a dit, c'est parce que quelqu'un, il passe et va t'entendre et il va pouvoir croire que cette personne a des pouvoirs, une capacité. Donc il ne faut pas dire ça dans ce sens-là aussi. الثالث troisième catégorie d'isti'ana al-isti'anatu bimakhluqin hayyin hadirin ghayri qadirin fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha. Donc la troisième catégorie, c'est, il a dit, c'est demander secours à quelqu'un donc qui est présent, qui est vivant, présent, mais qui n'est pas capable, comme on vient de dire, demander à quelqu'un de paralyser, de m'aider à porter quelque chose. Il a dit ça, c'est du laghw, ça ne sert à rien. C'est de la stupidité. Il y a dit quatrième catégorie, al-isti'anatu bil amwat, demander secours aux morts, mutlaqan, de manière absolue. Aw bil ahya ala amrin gha'ib la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha shirk li'annahu la yaqa'u illa min shakhsin ya'taqidu anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyan fil kawn. Il a dit ensuite, demander secours aux morts de manière absolue. Donc il n'y a pas de détail dans le mort. Il a dit ensuite, ou bien demander aux vivants quelque chose, donc d'invisible, qu'il ne peut pas lui faire, qu'il ne peut pas pratiquer. Il a dit ceci est du grand shirk. Lui, il a dit shirk, il a dit que shirk, Cheikh Al-Uthaymin. Mais nous, quand le mot shirk est cité, surtout par des savants enracinés dans la aqida, à la base, c'est shirk akbar. Il n'y a pas de doute. Cheikh Al-Uthaymin, son madhhab, hein, c'est pas que demander secours à un mort, c'est du petit shirk. Sabil Ijma', il y a consensus sur le fait que c'est du grand shirk. Donc demander à un mort, quoi que ce soit, ô mort, aide-moi à remplir ma voiture, shirkun akbar. Hein? Ô mort, aide-moi à retrouver ma route, shirkun akbar. Le présent, il y a détail. Assalamu alaikum. J'ai perdu mon chemin, aide-moi à le retrouver. Ça c'est possible? S'il est présent et vivant devant moi. Na'am. Ça rentre dans l'isti'ana, dans le sens de ibadah, d'adoration? Non. Donc c'est permis. Mais si je suis perdu dans une forêt, je suis perdu dans une forêt, et j'appelle un vivant. Hein? Oh, un tel, aide-moi à retrouver mon chemin. C'est permis? Ça, il en est capable de son vivant. Mais s'il était présent, s'il était présent. Mais lui, il est absent, donc c'est du grand shirk. Kharaja min al-islam. Il est sorti de l'islam. S'il est musulman, sa shahada est annulée. Car il a attribué, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا مِنْ شَخْصٍ يَعْتَقِدُ أَنَّ لِهَاُولَاءِ تَصَرُّفٍ خَفِيًّا فِي الْكَوْنِ. Car ceci ne provient que de quelqu'un qui a une croyance concernant cette personne à qui il a demandé. Comme quoi elle a une gestion dans l'univers. Une gestion subtile. Il a des pouvoirs. Hein, relevant de la seigneurie. Et ceci Donc fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième, il a dit al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahbuba ila Allah ta'ala wa hadhihi mashru'a. Demander secours par les actes, hein, les situations aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wasta'inu bis sabri was salat, et demander secours par la patience et par la prière. Surat al-Baqara verset 153, ça bien sûr ça n'entre pas. Donc dans le shirk, c'est une demande de secours par les bonnes actions, mais c'est une demande de secours donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus important ici à retenir, c'est la demande de secours. Donc dans le sens adoratoire, elle est permise qu'à Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Deuxième catégorie, demander secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens adoratoire aussi, c'est de manière totale et absolue interdit. Demander secours à un mort, c'est du shirk akbar mutlaqan, de manière absolue. Demander secours à un vivant présent, il y a détails. S'il en est capable, c'est pas du shirk akbar. Ça rentre dans ce qui est permis. Et s'il n'en est pas capable, ça rentre dans le shirk akbar, comme nous avons dit. Et l'absent, donc quand je dis absent, c'est dans le sens moderne, quelqu'un avec qui je discute sur MSN, ou si je suis perdu en voiture, et j'appelle avec mon portable un ami, un frère, et je lui dis montre-moi le chemin, c'est de l'isti'ana, c'est de la demande de secours. Mais il n'est pas absent là, il n'est pas dans le hukm de l'absent, il n'a pas le statut d'absent là, il a le statut de présent. Il est absent physiquement, le fait qu'il y ait un lien, une communication établie par le téléphone portable, il ne rentre plus dans le statut d'absent. Mais s'il est absent et je n'ai pas du tout de moyen de communication, ça entre donc dans le shirk al-akbar. Wa dalilu l'isti'adati. Et le dalil de al-isti'ada, de la demande de protection. Al-isti'ana, demande d'aide. Al-isti'ada, avec le zel. قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق dit je me mets sous la protection dit je me mets sous la protection du Seigneur de l'aube. وقل اعوذ برب الناس et dit je me mets sous la protection du Seigneur des gens. Donc dans ces deux versets là sont une preuve que al-isti'adha est une adoration. Comment est-ce que l'on tire de ces deux versets que c'est une adoration? Allah a ordonné de dire « A'udhu bi rabbil falaq ». Dis, je me mets sous la protection. Oh Muhammad, dis. C'est un ordre au prophète alayhi salatu wa salam, et l'ordre au prophète alayhi salatu wa salam à la base est un ordre pour sa communauté, sauf si une preuve vient établir la différenciation par rapport à ceci, que le prophète est spécifié par cet ordre-là. Mais là, à la base, nous sommes associés au prophète alayhi salatu wa salam. Dans cet ordre-là, dit, je me mets sous la protection du Seigneur de l'aube. Dit, je me mets sous la protection du Seigneur des gens, surat al-Nas. Donc Allah ordonne, ce qui implique que cette chose-là est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'ordonne pas de dire une parole qu'il n'aime pas. Donc Allah aime cette parole, a'udhu bi rabbil falaq. Il aime cet acte-là, a'udhu bi rabbil falaq. Je me mets sous la protection du Seigneur de l'aube. A'udhu bi rabbil nas. Donc, al-isti'adha billah bi rabbil falaq, qui est Allah, et bi rabbil nas, le Seigneur des gens, qui est aussi Allah, et quelque chose d'aimé, c'est donc une adoration. Al-isti'adha, donc elle est aussi de différentes catégories. Donc, à la base, c'est la demande de protection contre quelque chose de détesté, quelque chose que l'on craint. Donc la première catégorie, c'est l'isti'adha billah, la demande de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui comporte donc l'appauvrissement, se mettre en situation de pauvreté, de dépendance complète face à Allah, et de se cramponner à lui, et avoir la croyance qu'il est donc capable et qu'il me suffit, hein, par rapport au fait de repousser donc cette chose-là que je crains. Que cette chose-là soit présente, ou bien qu'elle soit future, qu'elle soit petite, dit Cheikh Al-Uthaymin, ou qu'elle soit grande. La deuxième, c'est al-isti'adatu bi sifatin min sifatihi, ka kalamihi wa 'azamatihi. C'est demander protection par une de ses qualités, par sa puissance. Et ça aussi, donc, ça entre donc dans la globalité de demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, « A'udhu bi kalimatillah » Je me mets sous la protection des paroles d'Allah, qui sont donc qualités d'Allah, des paroles d'Allah. « At-tammat » complet, « Min sharri ma khalaq » contre le mal qu'il a créé. « A'udhu bi azamatika » dans un autre hadith. Je me mets sous la protection de ta grandeur. Donc il est permis aussi de se mettre sous la protection des qualités, de certaines qualités, non d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième, c'est la demande de protection des morts. Ou bien, je vous laisse faire. Le mort, c'est quoi son statut? Le présent, c'est quoi son statut? Demander la protection d'un mort, c'est quoi son statut? Shirk Akbar, de manière totale absolue. C'est bon. Et le présent, comment est-ce qu'on détaille? Le vivant, pardon. Le vivant. Il y a le mort, le vivant. Première catégorie, mort, vivant. Ça, c'est la première ramification. Le mort, shirk akbar, de manière totale et absolue. Le vivant. Non. S'il est présent, je te demande de mettre sa protection contre le tremblement de terre, là. C'est bon? C'est bon, il peut? C'est pas shirk akbar, ça. On regarde ce qu'il est capable ou il n'est pas capable. S'il est capable, ça n'entre pas dans l'isti'adha, dans le sens adoratoire. Hein? Je fais le 18. Protégez-moi du feu. Il y a un feu qui a pris au premier étage au-dessus de moi. Parce qu'on va voir l'isti'adha, c'est pour la protection de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On va voir l'isti'adha après. Qui est la protection, qui est la demande de repousser une situation affligeante qui est déjà présente. Donc si le feu il a pris autour de toi, c'est l'isti'adha. Tu appelles les pompiers, tu fais une isti'adha. S'il est au troisième étage de rez-de-chaussée, le feu arrive, il n'est pas encore là, c'est isti'ada. Donc j'appelle les pompiers. Bon, tu ne dis pas au secours. Allô? Et tu les appelles, tu leur dis, il y a le feu au troisième étage. Ça, c'est sarf ibad al ghairillah, c'est vouer un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shirk akbar. Non. Tu as demandé à un vivant, il est présent ou il est absent? Hein? Il est présent parce que tu communiques. Il dit, au secours, sauvez-moi les pompiers, ils ne sont pas là. Tu cries comme ça en regardant ton plafond, shirk akbar. Parce que tu attribues aux pompiers la qualité d'entendre une voix alors qu'ils ne sont pas présents. Donc le présent en détail, est-ce qu'il est capable ou il n'est pas capable? Il est capable, il est présent, il m'entend, il me voit, il est là devant moi, ça n'entre pas dans l'isti'ada, dans le sens adoratoire et c'est permis. S'il n'en est pas capable, il n'est pas capable de ça. De te protéger contre ça. Ça rentre dans le shirk akbar, s'il n'en est pas capable. Pas dans le sens, s'il n'en est pas capable, un paralysé. Oh, paralysé, éteint le feu. Là, on a dit, c'est du abeth, ça, c'est de l'imbécilité, de la stupidité. Non, il n'en est pas capable, il n'est pas capable de faire cela. De faire ce que tu lui demandes. De faire, là, je parle du présent. De faire ce que tu lui demandes. Oh, protège-moi contre la trisomie de mon enfant. Ma femme, elle est enceinte. Protège mon enfant contre le fait qu'il soit trisomique. Protège-le contre l'hépatite B. Protège-le contre l'hépatite C. Ça, c'est une isti'adha. Tu lui demandes protection. Shirk Akbar n'est pas capable de ça. Le fond, Inch'Allah, le détail. Et s'il est absent, hein, de manière réelle, pas de communication ni quoi que ce soit, c'est du shirk Akbar de manière totale absolue, même s'il est capable. Même s'il est capable. Oh, un tel comme ça, donne-moi un verre d'eau, il n'est pas présent, tu sais qu'il n'est pas présent, c'est du shirk akbar. Mais si tu es dans une pièce, il y a ton fils dans une autre pièce, il n'est pas présent là. Mais toi, tu penses qu'il va t'entendre. Et tu cries, tu dis apporte-moi un verre d'eau, c'est pas du shirk akbar. Donc l'isti'ada, c'est ce détail-là. Comme dit Cheikh Al-Uthaymeen, première catégorie, l'isti'ada. La première et la deuxième catégorie citées sont permises, c'est l'isti'adha billahi azza wa jalla ou bien par ses qualités. La troisième, c'est l'isti'adha bil amwat ou bil ahya ghayr al hadirin al qadirin ala al aoud, comme on vient de ala al aoud, comme on vient de détailler. Fa hadha shirk. Donc ça, c'est du grand shirk. Observez, le shirk dit fa hadha shirk. Il dit pas fa hadha shirkun akbar. C'est quand qu'on spécifie le mot shirk. C'est quand il est petit, on apporte l'adjectif asrar. Quand c'est shirk à la base, c'est akbar. On ne dit pas shirk akbar. On peut dire parfois pour qu'il n'y ait pas un lips, pour qu'il n'y ait pas une confusion. Mais à la base, quand on lit shirk, c'est akbar. Bon. Et le dalil que ceci est interdit, Allah a dit dans sourate al-Jin verset 6 wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Et il y avait des hommes parmi donc il y avait des hommes qui demandaient protection aux djinns et ils n'ont fait qu'augmenter leur péché. Ça c'est donc dans al-Jahiliya quand les gens entraient dans une vallée. Les gens de Quraysh, lorsqu'ils entraient dans une vallée, ils disaient « Ya sahib al-wadi, oh toi, l'habitant de cette vallée, protège-moi. A'idhni, arithni, protège-moi, secours-moi, donne-moi secours, protège-moi. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces gens-là en disant qu'en réalité, cet appel-là ne les augmentait qu'en péché et en malheur. Donc cet acte est interdit du grand shirk. Il y a consensus des gens de la sunna. Al-Rabi'a, quatrième catégorie d'isti'adha. Il a dit al-isti'adatu bima yumkinu al-'audhu bihi min al-makhluqin min al-bashar aw al-amakin aw ghayriha. Fa hadha ja'iz. Il a dit donc se protéger, prendre protection auprès d'une personne ou d'un endroit alors que ceci est légiféré. Donc prendre protection auprès d'une personne parce qu'elle en est capable, se protéger de quelqu'un. Quelqu'un veut te tuer, tu te protèges auprès d'une personne, parce qu'elle a la force de faire face à cette personne et de te protéger, ce n'est pas interdit. Ou bien les endroits, se protéger en s'enfuyant vers un autre endroit, mathalan. J'arrive dans un endroit où il y a la peste, où il y a une maladie, et je me protège en m'enfuyant de cet endroit-là vers un autre endroit. Ça, dans la langue arabe, c'est aouz. C'est donc se détourner de ce mal et s'orienter vers un autre endroit pour se protéger. Est-ce que ça rentre dans Shirkul Akbar? Non. C'est l'isti'ada permis, qui n'entre même pas dans l'ibad, à la base. Il y a une isti'ada dans le sens linguistique. Wa dalil l'istiratha. Al-istiratha, donc ça se différencie de al-isti'ada. C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens législatif, dans le sens linguistique, c'est demander donc le repoussement d'une situation affligeante, d'un mal qui est présent et qui est concrétisé. Donc al-isti'adha, c'est un mal dont je crains qu'il m'atteigne. Donc je demande protection à quelqu'un, donc à Allah subhanahu wa ta'ala, pour les gens du tawhid, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les gens du shirk, si jamais c'est un mort ou bien un présent, il n'est pas capable de cela, dans le sens adoratoire, ou bien je demande protection à un vivant de quelque chose qu'il est capable et ça n'entre pas dans l'adoration s'il est présent. Donc l'isti'adha, c'est le fait de demander le repoussement d'un mal qui n'est pas encore arrivé exécuté. Al-isti'atha, c'est demander de repousser une situation affligeante qui est présente. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Et lorsque vous faisiez l'istighatha, donc vous imploriez le secours, ربكم, de votre Seigneur, معبودكم, de votre adoré, فاستجاب لكم, il vous a alors exaucé, surat al-Anfal, le butin verset 9. Donc le Cheikh utilise ce verset-là pour prouver le caractère adoratoire de l'istighatha. Comment a-t-il fait? Allah subhanahu wa ta'ala parle des compagnons, donc à la bataille de Badr, qui faisaient l'istirath. Le prophète alayhi salatu wa salam avait son empan sur les épaules. Il était dans ce qu'on appelle al-arish, un endroit que les sahaba lui avaient construit, dans lequel il était présent. Il faisait dua pendant que les sahaba étaient dans le combat, sur le terrain de bataille à Badr. Et il disait, Allahumma intahlik hadhihi al-isaba lan tu'bada ba'dahum abada. Oh Allah, si jamais tu détruis ce groupe-là, des compagnons, tu ne seras plus adoré après. Et il faisait beaucoup de dua. Al-istirata, car les situations étaient présentes, affligeantes. Les gens de Quraysh étaient présents en grand nombre, en surnombre, armés face aux compagnons qui étaient en petit nombre, et pas armés comme l'étaient les gens de Quraysh. Donc le prophète était en istirata. Allah parle de ce cas-là et dit, id tastarithuna rabbakum, fastajabalakum. Et il vous a exaucé. Et Allah n'exauce pas quelque chose qu'il n'aime pas, quelque chose qu'il n'aime pas. Donc l'istiratha est une adoration. L'istiratha est donc une adoration. Et l'istiratha, donc, c'est le même détail que l'istiratha, je ne m'allonge pas C'est le même détail en catégorisation par rapport aux vivants, aux morts, au présent, s'il est capable, il n'est pas capable, etc. Vous revenez aux paroles dites, Inch'Allah, dans Al-Isti'ada, Al-Isti'ana. Wa dalil al-dhabhi, et la preuve de l'égorgement. Al-dhabh. Al-dhabh, c'est iraqatu d-dam. Iraqatu d-dam, c'est le fait de faire couler le sang, l'abattage dans la langue arabe. Et dans la législation, c'est iraqatu d-dam ou bien al-dhabh. Naam, c'est iraqatu d-dam ala wajhin makhsous. Donc c'est le fait de faire couler le sang, l'abattage d'une manière spécifique, ala wajhi at-ta'zim, avec vénération, en donnant de l'importance à celui pour qui on égorge. Donc Allah pour l'égorgement législatif. Et pour l'égorgement des mouchriks, ils égorgent en donnant de l'importance à celui qui est enterré dans la tombe ou autre, comme nous allons le voir maintenant. Donc al-dhabh, c'est une ibada. Quel est le dalil de cela? Le shir va apporter deux dalils. Soyez attentifs. Le premier, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Surat al-An'am, verset 162-163. Dit, إِنَّ صَلَاتِي, ma prière, وَنُسُكِي, un nusuk, ça a deux sens. Deux sens dans la langue arabe et ici dans le verset. Un nusuk, c'est al-ibadat, les adorations. La prière entre dans nusuk. Le jeûne entre dans nusuk. Al-hub, l'amour, entre dans nusuk. Les adorations entrent dans al-nusuk. Toutes les adorations. Donc il y a synonymie entre al-nusuk et al-ibada. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, c'est al-dhabh, al-nusuk. Al-nusuk, c'est al-dhabh. L'égorgement. Wa mahyay, ma vie, donc mes actions de mon vivant, wa mamati, ma mort, lillahi, sont pour Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. La sharika lah, pas d'associé à lui. Puis lorsque, du fait que ce verset-là comporte les deux explications de nusuk, qui sont l'adoration, une explication générale, et l'égorgement qui est spécifique, donc une unité composante, le shir, pour bien confirmer que al-dhabh, de manière totale et absolue, est une adoration, puisque le verset peut l'accepter dans un sens de manière claire si on traduit nusuk par l'égorgement, mais si on le traduit par adoration, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un va dire, mais alors apporte une preuve plus spécifique que le dhabh entre dans l'adoration. Donc il a apporté le hadith de la sunna, le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa salam dit, la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Et al-la'nu huwa at-tard min rahmatillah. Al-la'na, la malédiction, c'est rejeter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a maudit celui qui égorge pour autre que lui. Pour autre que lui. Pourquoi? Car cet acte-là ne doit être fait, comme le sous-entend donc le hadith. Est-ce que Allah a dit la'ana Allah man dhabaha? Qu'Allah maudit celui qui égorge. Qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Donc l'égorgement pour Allah est quelque chose de légiféré, d'aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc une ibad.